Je pense que le chevalier à l'épée est un peu moins cohérent parce que un des traits qui est commun entre ces deux histoires, c'est que c'est Gauvin qui va dans un château donné, qui a une espèce de malédiction, qui va mettre fin à la malédiction ou à la mauvaise coutume, généralement on dit, et il va être récompensé, on va lui offrir des châteaux, une seigneurie, et il va refuser. Et dans les deux cas, on a déjà cette idée de Gauvin, justement la demoiselle à la mule, sa sœur lui propose 38 châteaux, il refuse parce qu'il est venu dans un but bien précis et qu'il veut pas prendre son intérêt personnel. Et je dirais qu'à ce titre, la demoiselle à la mule est plus cohérente. C'est cohérent que la demoiselle à la mule se barre parce que Gauvin est cette figure qui a fait ça de manière désintéressée, contrairement à Queux, par exemple, qui lui avait vraiment cette idée plus libidineuse, etc. Est-ce que Gauvin le fait, disons, gratuitement. Tandis que le chevalier à l'épée se marche un peu sur les doigts parce que bah, d'un côté, il veut que Gauvin soit désintéressé, mais de l'autre côté, quand même, les femmes, on sait à quoi s'attendre. Le message misogyne est tellement important dans celui-là que vous avez moins cette cohérence-là, mais vous avez la même structure où Gauvin va quelque part, abolit une mauvaise coutume, quelque chose qu'on a déjà vu très courant dans la littérature arthurienne. On avait vu justement, je crois que c'est, je sais plus si c'est Martin Aurel, on avait parlé de quelqu'un qui commentait sur l'épisode de la Carole qui est enchantée à laquelle Lancelot met fin, et il disait généralement le chevalier dans les littératures arthuriennes, c'est généralement littéralement un empêcheur de tourner en rond. Donc il arrive, il abolit une coutume qui est malfaisante à un endroit donné, puis repart. Et là, on a clairement une représentation de ce que ça donne quand c'est pas dans un texte cyclique hyper long, c'est juste une aventure d'un chevalier comme chez Chrétien. You with the fancy boots. Don't you know how to use a sword better than that? No. Show me. Il faut lui trouver un meneur, un dur à cuire, quelqu'un qui ne cesse pas impressionner par les jérémiades. Nous, on n'a rien contre votre neveu, mais enfin, il m'a pas l'air plus futé qu'un autre. Fighting the forces of magic and sorcery, Sir Gawain is faced with unearthly dangers. He is challenged by all, defeated by none. A remarkable man. Fighting the treachery around him. Leave the wretch to his miserable end. Always courageous. Forward into battle! Always victorious. Gawain, the greatest knight of all. His strength equaled by none. Sir Gawain's power is supreme. Until now. Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 19, le chevalier à l'épée et la mule sans frein. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, nous allons sortir un petit peu de notre programme habituel, ou plus exactement, on va revenir un petit peu en arrière pour des textes qui sont peut-être un petit peu plus courts et plus épisodiques, mais qui ont aussi été une grande part de cette tradition française de littérature arthurienne, qui sont des textes qui vont se centrer, un peu comme Chrétien l'avait fait, sur les aventures d'un chevalier, et généralement, c'est Gauvin. Là, on revient en arrière quelque part, mais on est aussi dans une certaine lignée finalement. On a été depuis le début de l'année, de cette année, en fait, dans la réception de Chrétien de Troyes, plus qu'autre chose. À part pour notre petite parenthèse entre Tristan et les Bretons, qui sont peut-être un peu plus anciens et qui parlent de traditions, disons, similaires, mais disons, cousines plutôt que descendantes. Là, on revient vraiment à la suite vraiment du Lancelot Graal, dans les successeurs immédiats, et là, les successeurs très immédiats, puisque ces deux textes sont vraiment soit très contemporains ou alors juste postérieurs à Chrétien, principe. On dit généralement autour de l'an 1200, donc soit la fin du 11e, soit la fin du 12e, soit le début du 13e siècle. Généralement, on admet qu'ils ont été écrits très peu de temps après Chrétien. Ils font probablement référence, d'ailleurs, à Chrétien. On va voir qu'il y a probablement une espèce de petite blague à son sujet qui est glissée dedans. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on a déjà vus et qui vont être un peu remixés pour montrer deux courtes aventures de Gauvin. Mais avant ça, je vous propose juste une petite section un peu d'actualité et de rattrapage. On va pouvoir discuter un peu de choses qu'on a pu oublier avant ou de choses qu'on a découvert ces temps ou un peu de l'actualité arthurienne aussi, puisque ça continue. Juste avant d'enchaîner et de vous parler de la mule sans frein et du chevalier à l'épée, deux romans ou même peut-être nouvelles. On est un peu à la frontière entre les deux. Je crois que certains les voient comme des fabliaux presque. Bon, fabliaux, normalement, c'est... Ouais, bon, c'est... C'est un peu différent comme matière, mais ils ont été... Le fait qu'ils soient inscrits, on va le voir dans un manuscrit qui recense essentiellement des fabliaux, à jouer en fait dans cette attribution, mais c'est une attribution très 18e, 19e. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas forcément, une des caractéristiques du fabliau, c'est notamment qu'il est, sa brièveté, puis aussi le fait qu'il est en vers, et puis qu'il a un sujet théoriquement plus... Bah là, ils sont brefs et en vers. Oui. Donc c'est vrai que ça se rejoint dans cette dimension-là. Après, les fabliaux ont généralement des sujets plus profanes et plus vulgaires, disons, ouais, dans le sens du... Ils sont plus populaires et ils ont des protagonistes qui ne sont pas nécessairement nobles. Le cliché du fabliau, c'est que c'est une scène de ménage, en fait. Voilà, c'est à peu près... c'est un peu différent, disons, de la matière, mais le côté, disons, un peu comique et un peu joueur de ces textes, ça peut jouer dans cette attribution. Donc, niveau rattrapage, je voulais juste mentionner une chose qu'on aurait dû peut-être dire au moment où on faisait notre épisode sur le Lancelot, mais que j'ai oublié, puis il était déjà assez long, donc c'est pas forcément plus mal. On disait qu'on ne savait pas vraiment qui était l'auteur du Lancelot, mais je voudrais soumettre à la critique un indice. Il s'agit d'un passage où, quand Guenièvre a envoyé une émissaire accompagnée d'un nain, en Gaule pour essayer de demander de l'aide, je crois, à la Dame du Lac. Elle se fait intercepter par Clodas, qui est le méchant usurpateur qui a pris le pouvoir sur les terres de Lancelot et de sa famille. Eh bien, Clodas pense qu'on est en train d'inciter une rébellion contre lui. Il pense qu'on est en train d'agiter le peuple, qu'on va essayer de faire quelque chose. Et du coup, la dame qui est envoyée par Guenièvre dit au nain de balancer la lettre qu'elle est censée remettre à la Dame du Lac dans de l'eau, pour pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Malheureusement, Clodas le voit. Et il y a un passage qui est assez intéressant, parce qu'il nous dit, si je prends la traduction de Micha, que la boîte coule à pic, car le bois ne surnage jamais en effet. Et je trouve ça assez intéressant. Du coup, je pense que dans l'identité du rédacteur du Lancelot propre, on pourrait ajouter que c'est quelqu'un qui ne sait pas que le bois flotte, ce qui est quand même relativement rare, je pense. Une conception assez particulière de la masse et de la densité des matières organiques, effectivement. Le bois ne surnage jamais. Bon, Micheline Combarieu-Dugret propose une autre traduction où elle dit que la boîte, elle est en train de couler car elle n'est pas assez étanche, en fait. Que c'est ça qui serait sous-entendu, que comme la boîte se remplit d'eau, elle coule, et puis que c'est pas vraiment... Il pense pas que le bois est plus lourd, mais disons que le bois n'est pas assez étanche pour... Enfin, peut-être que c'est du bois trop dense et qu'il a été trop peint. C'est de l'ébène. Ou alors il y a des décorations en fer dessus. Enfin, qui sait, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un indice de plus vers la quête de l'auteur du Lancelot. Moi, je trouve ça marrant que Micha ait traduit comme ça sans se poser la question. Mais voilà. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est quand on a parlé de la mort Artou, j'ai mentionné les parallèles qui étaient possibles avec le héros Batrads, qui est donc un de ces héros, de ces légendes qui ont été collectées dans le Caucase, et qui a aussi un truc où il doit balancer trois fois son épée, enfin il doit balancer son épée à la mer pour qu'il meure. La destinée dicte ainsi, parce qu'en fait, basiquement, il doit mourir, mais ils n'arrivent pas à le faire mourir à cause de parce qu'il est trop, trop balèze. Et finalement, ils essayent de le tuer. Et comme ils n'arrivent pas à le tuer, ils décident peut-être qu'on va lui dire qu'on a balancé son épée. Ils n'arrivent pas à balancer l'épée, mais ils disent on va lui dire qu'on l'a fait, comme ça peut-être qu'il va mourir. Et Batrads à chaque fois se rend compte que c'est pas vrai. Et c'est vrai que c'est assez symétrique avec ce qui se passe avec Arthur. Et puis finalement, quand ils balancent l'épée dans la mer, ils doivent prendre genre des centaines d'animaux et puis les attacher à l'épée pour la traîner dans la mer. Et puis ça déclenche un orage énorme. Et donc il y a peut-être un parallèle. Comment est-ce qu'on veut l'interpréter? Est-ce que c'est un dos européen? Est-ce que c'est les fameux trucs genre là, ben vous avez un article de Joël Grisvard qui est un peu celui qui a le plus parlé de ces thèmes-là. Il a fait quelques articles sur le sujet qui sont assez longs, qui sont intéressants, même si je pense que vous n'êtes pas d'accord forcément avec sa théorie. Où il essaie de trouver des parallèles indo-européens. Personnellement, je suis pas complètement convaincu, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle assez frappant et c'est une manière de songer à ça. Ça a aussi servi à toutes les idées sur le fait que le roi Arthur serait lié aux Scythes, par exemple, et puis tous les trucs que vous vous rappelez peut-être du King Arthur. De Foucault, où on dit oh, en fait c'est des guerriers qui viennent de ces régions là, donc soit du Caucase, soit de c'est pas des traces dans le King Arthur d'Antoine Foucault, c'est des sites en Thracie peut-être, je crois que c'est des traces, mais en fait il s'est inspiré apparemment d'une théorie où c'est plutôt les sites, les fameuses idées des sites aux Celtes, en fait, qui est un peu dans la même lignée que ça, qui est l'idée que basiquement Bon, effectivement, tu retrouves des Galates jusqu'en Anatolie, donc c'est pas forcément très très. Alors, vu les mélanges de l'Antiquité, c'est pas complètement absurde, mais comment est-ce que ça se retrouvait dans la mort Arthur au XIIIe siècle, c'est un peu une autre question. Mais disons, c'est une possibilité d'analyse si vous êtes intéressé par la mythologie comparée, ce genre de choses. Moi, personnellement, j'arriverais pas, honnêtement, à juger de la pertinence de ces traditions du Caucase. Hein, mais... Non, moi, je pense que l'aspect de l'orage est intéressant. Ça prouve qu'Arthur, à la base, est un dieu sémite de l'orage, comme El, comme Baal. Et que Lancelot est un dieu, comme en fait, Marduk. Est un dieu de la fertilité qui a été fusionné à Arthur. Voilà, Lancelot, en fait, c'est. Et puis bon, évidemment, ça prouve que bah, Guenièvre, c'est Ishtar. Hein. Ouais, voilà. Ajouter quelque chose comme ça, pourquoi pas. Non, ça montrait. Je pense qu'on peut faire une tradition entre Blaise et Naboo, le dieu de l'écriture babylonienne. Tout à fait, ça me semble le plus pertinent. Donc vous avez, En termes de mythologie comparée et de parallèles hasardeux, tu as de la matière pour nous cette semaine, ouais. Laïs. Non, c'est vrai. Je vais enchaîner tout de suite. Juste, si vous voulez lire les articles de Joël Griswold, ils datent de 1969, ils sont sur Percé. Il y en a deux sur Percé dans Romania qui font combiner un peu moins d'une centaine de pages les deux parties de son article. Ça reste, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, même si, ne serait-ce que pour le panorama de choses qu'il va examiner. Maintenant, peut-être qu'il faut le voir plus comme une rêverie intéressante que comme quelque chose de conclusif. Un autre mythologue, un vieil ami du show, un vieil ami de l'émission, Jean Marcal. Je suis tombé sur un de ses livres, Contes et légendes des pays celtes, où il s'intéresse à collecter des traditions théoriquement orales qui auraient été racontées, que ce soit en Cornouailles, au Pays de Galles, en Bretagne, etc. Mais il y a une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'en le parcourant, je suis tombé sur un truc qui s'appelait le lac de l'épée. Et même chose, c'est de nouveau cette fameuse scène de la mort Arthur, où Arthur jette son épée à l'eau par trois fois, etc. Et j'étais très intéressé, parce que je me suis dit, c'est quand même intéressant que quelqu'un, que ça existe sous forme de tradition orale, que quelqu'un soit mis à le raconter. Et apparemment, c'est pas complètement le cas, parce qu'il y a plein de, il y a plein d'extraits du livre qui n'ont pas vraiment été collectés à l'oral, mais il les a juste piochés. Apparemment, il dit que c'est une adaptation du récit médiéval classique. Je sais pas s'il l'a vraiment collecté là-bas, parce qu'il l'a réécrit de manière un peu archaïque, genre... Jean Marcal, Gonnet Jean Marcal, quoi. Genre, quand il parle des Angles, il dit « Ces peuples venaient des terres froides et ils cherchaient à s'établir par tous les moyens sur notre île pour parler des Angles. » Ouais, les terres froides de... Ouf, ouais, la côte néerlandaise et danoise, c'est pas... il fait frais, mais enfin, c'est pas... on est au sud par rapport à l'Écosse, quand même. On est au sud par rapport à l'Écosse, c'est ça. Cela dit, il peut faire chaud en Écosse à cause du Gulf Stream, donc c'est peut-être vrai qu'il fait un peu plus froid sur la côte danoise, mais je suis pas sûr que ça mérite l'appellation non, de... Il y a un côté très archaïque, un peu gênant, quoi. Portrait des Angles venus de l'Ultimatule et des barbares à la Conan, tu sais, ils vivent dans le froid, les Cimériens. Ils mangent des glaçons. Ils ont un peu de... Bah, par exemple, il dit que les ennemis jonchèrent le terrain et servirent de pâture aux corbeaux. Oh, on est dans la Gododine. Il dit que telle une foudre violente, l'épée s'abat sur les ennemis. Puis il met une petite note pour bien vous faire savoir que Caled Folk, ça veut bien dire la foudre violente. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que en fait, il s'est inspiré, il n'a pas complètement apparemment pioché ça là-bas, mais il s'est inspiré sur le fait qu'il y a effectivement une tradition locale aux abords de la rivière Camel, près du célèbre Slaughter Bridge, le pont du meurtre ou le pont du massacre, qui passe dans la tradition locale, je cite, pour être à l'emplacement d'un gué sur lequel se serait déroulée la bataille de Camlann entre Arthur et Mordred. Plus au sud de Camelford, au milieu des collines, se trouve un lac connu sous le nom de Dosmary Pool, qui toujours d'après la tradition locale serait l'endroit où aurait été jetée l'épée Excalibur. Et donc entre les deux, entre le Dosmary Pool et un autre lac, le Low Pool dans la région, les gens se battraient pour savoir quel serait le vrai lac où il y aurait ça. Ce qui est intéressant, parce que probablement, je pense effectivement qu'il doit y avoir des traditions locales là-bas. Mais donc à partir de ça, je pense qu'il a un peu bricolé le récit, il a pris la mort Arthur, il a injecté trois trucs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand il avoue ça, il dit « Il s'agit ici d'une adaptation du récit médiéval classique sur la mort du roi Arthur, avec les détails que m'ont fourni des pêcheurs de truites au moment où j'explorais en 1987 les abords de la rivière Camel. » Oui, bah écoute, je trouve ça très... sont tout à fait valable, évidemment. Ça fait très épisode de Scooby-Doo, où il arrive dans un village, et puis il y a un vieux pêcheur de truites borne qui lui fait « Ah, laissez-moi vous raconter !» Non, mais c'est ça qui est marrant avec Jean Marcal, c'est que t'as l'impression qu'il essaie de faire le folkloriste du 19e siècle, où il va genre un truc à la Grimm, puis il va dire voilà, ce sont des contes qui sont dits de par les gens de nos campagnes. Puis en fait, après il sort, en fait, c'est des contes qui n'ont pas changé depuis 6 siècles, ouais. Voire plus. Non, donc, là, voilà, c'est le. Là, on est, je sais pas dans quelle mesure le conte, parce que peut-être que quelqu'un lui a raconté ce conte du début à la fin, mais je pense pas, je pense que c'est lui qui l'a écrit, parce que c'est entièrement son style. Mais dans la mesure où quelqu'un l'a écrit, je pense qu'il dérive de toute évidence de la tradition qui a été complètement englobé de la mort Arthur dans Mallory, qui est devenu partie du canon anglais depuis maintenant bientôt quoi 600 ans, donc peut-être qu'il faut... C'est plus probable que c'est des types un peu des aristocrates un peu excentriques qui ont lu Mallory au 18e siècle, puis qui se sont dit oh, on va aller retrouver l'étang dans mon jardin. Oui. Même pas des aristocrates, je pense pas que les pêcheurs de truites soient idiots non plus, je veux dire. Oui, mais je pense que c'est pas nécessairement la catégorie de l'appellation qui lisait le plus Mallory, tu vois. Ouais. Je pense que ça se fait le genre l'aristocrate ennuyé qui se balade dans son domaine, puis qui se dit tiens, on va dire que Ouais, ça se trouve, c'est ce lac. Ou même des Jean bourgeois un peu excité. Un prédécesseur de Jean Marcal. Non, mais c'est ça qui est aussi rigolo avec Jean Marcal, c'est qu'il te fait le truc. Son bouquin, c'est Contes et légendes des pays celtes. Et puis il te met une espèce de. Je crois que c'est un chaudron. Oui, c'est le chaudron de quoi? Goosnap, je sais plus comment il s'appelle. Un chaudron embossé avec justement des motifs celtes médiévaux / antiques. Bon, il est sur tous les bouquins, mon truc de la mythologie celte par Sterk. La mythologie steak, oui. Mais du coup, c'est ce côté vraiment un peu ambigu parce que tu te dis, ah, les Celtes, ça veut dire que c'est extrêmement ancien. Alors qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher des contes populaires en Bretagne. Ouais. Alors, les contes, ils pourraient être français, germain, proto-germanique ou pyrafro-asiatique. Puis il dirait, ouais, c'est les contes des pays celtes. Même s'ils n'ont rien à voir finalement avec les légendes du roi. Ouais, je pense que ça pose énormément de problèmes parce que justement, même dans ce qui pourrait être. Genre, même les laits bretons de Marie de France, où on a un signe assez fort qu'on est dans une tradition bretonne, continentale, mais bretonne, et donc on pourrait parler de celtes, etc. Même là, on trouve des parallèles, comme pour tous les contes, on trouve des parallèles qui sont un petit peu gênants si vous voulez faire des frontières entre ce qui est un conte celte et ce qui n'en est pas un. Typiquement, je prends un exemple tout bête, mais vous vous rappelez peut-être du lait. Je crois que c'est dans le lait d'Aliduc où tu as une. Et justement, la dame qui était tombée en pamoison et qui est réanimée parce qu'une belette, elle voit une belette qui ranime une autre belette morte avec une fleur. Et puis du coup, elle se dit, ah, la belette a le secret de la résurrection. Elle prend la fleur pour ressusciter la dame. En fait, c'est quelque chose qu'on trouve chez Hygin, dans les fables d'Hygin. T'as une histoire où c'est pareil, mais c'est avec deux serpents. Un serpent qui se fait buter, puis un autre serpent qui ramène le remède pour ressusciter son pote serpent, et puis il y a quelqu'un qui chope le remède pour sauver son pote. Donc là, vous avez quelque chose, puis Marie de France, typiquement, elle connaissait parfaitement, elle a traduit des fables d'Ésope dans son Ésopée, etc. Elle connaissait cette culture classique. Et donc je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer le rôle de l'écrit dans ce genre de culture orale. Typiquement, même on ne connaît pas bien le milieu dans lequel les contes se racontaient. On sait qu'il y avait des veillées de travail, des veillées de. Où voilà, tout le monde, il fait froid, on va tous fabriquer des paniers ensemble et puis on va se raconter des histoires parce que sinon on s'ennuie un petit peu. Et on a quelques témoignages quand elles existaient encore. Mais même un des témoignages qu'on a, c'est les. Noël Dufail qui a fait ce truc, je sais plus comment il s'appelle, ces veillées, je sais plus comment ça s'appelle, mais il parle notamment de ces environnements-là. Et lui-même, donc c'est au 16e, et il parle d'un personnage de vieil instituteur qui ramène des vieux bouquins et puis qui les lit à la veillée. Donc même dans ce contexte-là du 16e, où les gens ne sont pas forcément tous, lisent tous, il suffit qu'il y ait un type qui lise dans le village et puis les gens vont connaître plus ou moins ce genre de récit. Mais c'est ça aussi, je pense quand on veut analyser la tradition orale, soit on se dit, ah, une tradition orale qui est inchangé par les siècles, et ça c'est quasiment inexistant, ou ça peut pas vraiment exister, tu peux dire, des textes, s'ils ont vraiment été transmis purement oralement depuis l'aube des temps, ils ont changé de façon assez importante, donc ça c'est déjà assez clair, et ce dont on parle comme tradition orale, c'est généralement quelque chose qui a été mis par écrit à un moment ou un autre, et à travers cette mise par écrit, c'est très probable qu'effectivement, à un moment ou un autre, la culture littéraire écrite soit insérée dedans d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il y a des arguments qu'on peut faire sur la persistance de certaines traditions orales, mais je pense que justement des récits, c'est très difficile c'est ce qui change assez facilement en fait, qui s'adapte beaucoup à différents contextes en fait. Et je pense que comme vous avez remarqué avec la littérature arthurienne, on voit des récits qui ont complètement changé de fonction et de public, mais qui gardent quand même certaines choses en commun. Donc il y a une persistance, il y a des changements. Puis si on veut parler de tradition orale qui reste, bon, à mon avis c'est beaucoup plus sûr si vous allez regarder du côté par exemple. Généralement de la poésie sacrée de certains peuples où les gens répètent le poème même quand ils comprennent plus vraiment le sens ou que la langue a tellement changé que là on a des signes où on voit que je sais pas si vous parlez de l'Avesta ou des Védas, bah clairement on a quelque chose qui est un petit peu plus vieux que le moment de sa mise par écrit, mais c'est justement passé de la poésie assez difficile à changer, qui est mémorisée, qui est fait exprès, un récit où les gens peuvent un peu le faire à leur sauce, c'est beaucoup plus difficile. Par contre Un autre exemple de gens qui vont piocher dans une espèce de préhistoire absolument hallucinante, je voudrais porter à votre attention un article qui est paru dans le Journal of Indo-European Studies, le JIS, qui est absolument incroyable, qui a été écrit pour nous, Antoine. Je crois qu'il a été exclusivement écrit dans la prévision qu'un jour on le lirait. Il s'agit d'un article de Monsieur Cuzès, qui apparemment, à l'époque, passait pour être quelqu'un d'un peu respectable, mais aujourd'hui, on s'en rappelle surtout parce qu'il a fondé une espèce de secte chamanique, du lion chamanique ou je sais pas quoi, New Age, un peu bizarre. Mais à l'époque, il a réussi à publier, je sais pas comment ça a été publié, c'est assez impressionnant, mais il parle des origines de la légende arthurienne, et basiquement, il commence avec un truc qu'il a découvert à Saint-Pédardet, Je l'ai découvert mentionné par Joseph Campbell dans son livre sur la légende arthurienne. Mais à Saint-Pédardet, il a trouvé une inscription qui était dédiée à Arteet. Et puis Arteet, on voit que c'est lié à la racine qui signifie probablement l'ours qu'on retrouve dans Arcturus, qu'on retrouve dans Arthur probablement. Et du coup, il disait il y a probablement des espèces de dieux ours partout sur la Gaule. Et puis immédiatement après, donc Saint-Pédardet, c'est au pied des Pyrénées, hein, c'est à l'autre bout de la France. Et immédiatement après, il saute au lac Léman. Et donc dans l'article de Joseph Campbell qui était transcrit d'une de ses conférences, je comprenais pas pourquoi il sautait de Saint-Pédardet dans les Pyrénées au lac Léman. Je me suis dit, peut-être c'est parce que c'est un Américain, il a aucun sens des distances, tu vois, genre, il se dit, les Pyrénées au lac Léman, c'est une après-midi, ce qui, par rapport aux États-Unis, c'est vrai que c'est assez court, mais disons, si tu faisais le même type d'argument aux États-Unis, t'aurais le même genre de problème, en fait, avec le même type de distance, tu aurais quand même des problèmes si tu voulais faire le même type d'argument. Mais donc, il saute de l'un à l'autre, puis en fait, son article est très... je veux dire intéressant, parce que en fait, il se pose la question d'où viennent les origines de la légende arthurienne, et il pense que la toponymie, donc les noms de lieux, peuvent l'éclairer, et il essaie de trouver où est-ce qu'il y aurait les noms de lieux qui sont évoqués dans la légende arthurienne, où est-ce qu'on pourrait les trouver, et c'est assez impressionnant, il les trouve tout autour du lac Léman, en fait en Suisse romande, donc notre région natale, Antoine. C'est très impressionnant, c'est un mépris total, je pense, de l'étymologie la plus élémentaire, mais donc vous avez Morge qui devient la fée Morgane, la tour de Pel. Oui, Morgès. La tour de paix, Pelès, c'est le roi Pelès, le Valais, en fait, le Valais, c'est pas le pays de Galles, c'est pas Wales, non, c'est le Valais, c'est le Valais voisin, de toute évidence. Ça explique beaucoup de choses, effectivement. Région montagneuse, c'est la seule région montagneuse possible, le Valais. Perceval le Valaisan. il enchaîne ça pendant un petit moment qui est honnêtement assez impressionnant. Et puis il dit, c'est la preuve que ça a dû venir, et que donc il conclut que le voyage d'Arthur emmené sur l'eau à la fin de sa vie, ça a été inspiré par le lac Léman, qui est la seule étendue d'eau qui pourrait correspondre à l'image archaïque qu'on trouve dans la légende arthurienne où il jette son épée et où il est emmené, parce que on précise que c'est un lac. Donc tu sais, cette fourchette plantée dans l'eau du lac Léman, en fait, c'est l'épée d'Arthur. C'est une survivance moderne. Non, je pense qu'effectivement, il y a ce côté très... l'Uraimat arthurienne se trouve en Suisse romande, qui est très très drôle en elle-même déjà. Mais je pense que c'est aussi... ça participe aussi vraiment de cette tendance, comme tu le dis, à vouloir chercher vraiment la correspondance parfaite. Et je pense qu'il y a une densité... C'est vrai qu'il y a une densité assez forte... de noms que tu peux rattacher à des origines celtes dans la région romande. Il y a effectivement pas mal de mots, de lieux, de toponymies, de rivières aussi, par exemple, qui ont des noms celtes. Le flanc, par exemple, à Lausanne. Donc, je pense que c'est pas non plus dénué d'une certaine... Disons, il y a cette petite racine, effectivement, il y a des noms celtes dans la région. C'est une région bien connue du point de vue archéologique, mais... Ça, je veux dire, c'est tellement ridicule comme argument. Morgane. Du coup, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que c'est basiquement quelque chose qui a émergé parmi les celtes du continent, la légende arthurienne. Puis là, ça devient vraiment genre. En fait, ils sont arrivés, ils sont diffusés avec la culture de l'Athènes, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que je vois pourquoi c'est tentant pour des indo-européistes, etc. Mais en fait, je peux voir éventuellement un raisonnement que c'est une tradition continentale qui s'est diffusée avec certaines autres cultures continentales qui sont effectivement arrivées sur la culture de l'Athènes est arrivée en Grande-Bretagne, donc ce serait pas non plus totalement absurde comme raisonnement. Simplement, tu te demanderais pourquoi après il y a eu des survivances en Grande-Bretagne et pas ailleurs sur le continent. Alors, tu pourrais te dire que la culture celte en Grande-Bretagne n'a jamais été complètement effacée. L'histoire du Chapalu, Antoine. Le chat de la place de la Palue, effectivement. Le chat du lac de Lausanne. Le lac de Lausanne, effectivement. Non, mais voilà, tu pourrais éventuellement y voir... Mais en fait, le raisonnement et la méthode est complètement... C'est surtout que dans un journal d'études indo-européennes, tu t'attendais à ce que quelqu'un fasse un petit peu plus d'attention à l'étymologie des lieux de nom, des noms de lieux, et tu pourrais voir un peu mieux que en fait ça tient pas la route. Je pense que ça peut tenir si tu dis les noms viennent de ces noms de lieux, puis tu peux leur trouver une version plus ancienne. Mais la tour de paix, par exemple, c'est typiquement le genre de mauvais exemple, quoi. C'est un ridicule consommé, je pense, et c'est ça qui était ridicule et très drôle dans l'article, en fait. C'est vraiment ce côté complètement en 12 pages, il t'explique. Et surtout ça, c'est la concentration de bullshit par rapport à la taille de l'article. Parce que si un type avait fait un bouquin sur ça, on aurait trouvé ça rigolo, mais ça aurait été pas aussi dense. Là, c'était vraiment sur l'espace de 12 pages, t'avais vraiment connerie après connerie qui était alignée, et c'était ça qui était assez impressionnant. Puis qui a convaincu un intellectuel tel que Joseph Campbell, qui pourtant... Tu vois les standards de Joseph Campbell, ça devait être extrêmement demande. Je trouve ça dingue, c'est genre l'article qu'il a lu, c'est genre l'unique article qu'il a lu sur le sujet. Il a été formé sur le sujet en plus, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas le seul. Il y a aussi d'autres types qui sont assez drôles, qui font un peu la même chose, mais pour le valet. Où ils disent, ah ouais, le valet, Sion, la Nouvelle Jérusalem, en fait, c'est là, la quête du Graal, ou Aleïsme, ils font un peu les mêmes arguments, mais pour le valet, ils ont pas, je crois que ça n'a pas été fait forcément de manière aussi systématique, mais il y a deux, trois types un peu... un petit peu en orbite qui vont faire ça, qui vont peut-être... C'est des nationalistes valaisans, hein, bien sûr. Je suis pas sûr, je crois que c'est des gens un petit peu en mode un peu, qui ont lu un peu trop de Da Vinci Code et puis qui essaient de combiner ça avec la chasse aux sorcières dans les Alpes, c'était une tentative de le Graal, les cathares et puis de les Templiers. C'est pas très, je sais pas s'il y a une vraie cohérence parce que j'ai trouvé des trucs un peu incohérents, puis je sais pas s'il y a juste plusieurs écoles dans l'étude l'étude valaisan centrée des études graaliennes. Mais aucune, tu n'as aucune considération des Valaiser Studies les Valaiser Studies. Mais donc oui, c'est ça. Je voulais juste mentionner ça parce que je trouve ça très intéressant que côté mythologie, vous avez des trucs plus ou moins sérieux parce que Joël Grissoire, on peut être convaincu ou pas, mais il y a un petit peu de méthode quand même et puis un petit peu au moins de prise en compte de ce qui pourrait être des hypothèses alternatives. Là, par contre, vous avez des gens qui montrent un peu ce qu'on peut faire de plus rigolo de ce côté-là, je crois. C'est ça, c'est vraiment ce côté tout à fait association libre, tu sais. J'aurais pu écrire cet article pour faire une blague, en fait. J'aurais pu l'écrire entièrement de façon comique et puis... Non, mais ça aurait marché. Il existe déjà. T'as l'impression que le travail de ta vie t'a échappé devant tes yeux, tu sais. Ouais. C'est comme ces chercheurs qui font un argument puis qui découvrent que leur grande thèse a été en fait faite par un chercheur allemand dans les années 1870. Alors, soit c'est un chercheur allemand dans les années 1870, soit c'est un chercheur soviétique en 1962 et que sa thèse n'a jamais été traduite. Elle fait 1800 pages. Apparemment, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ça, qui disait qu'il y avait toujours le vieux... Il disait, j'ai mon théorème du vieux russe, qui est que dans un colloque, t'as toujours un vieux russe qui se lève au fond de la salle et puis qui dit « Mais ça a déjà été fait par Troubetskoy et Magnitsky en 1962. » Puis il cite le titre, puis il fait « C'est très connu pourtant. » Et puis la thèse, elle a genre été tapée à la machine, jamais publiée, mais il la sait. Même dans les caves de l'université de Leningrad. Je pense pas. Après, de l'autre côté, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir ce genre de choses, mais c'est pas faux qu'il y a eu une coupure complète, pour des raisons géopolitiques évidentes, mais avec tout ce qui était fait en Union soviétique, et typiquement, puisqu'on parlait des Indo-Européens, un des grands changements qui a été amené par Maria Gimbutas, c'est qu'elle apportait les apports de l'archéologie de l'Union soviétique qu'elle pouvait lire et qu'elle pouvait traduire, et qu'elle a apporté ça en Occident alors que c'était méconnu. Il y a eu d'autres synthèses qui ont été faites, je sais plus comment il s'appelle, Ivanov, et il y en a, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a eu une grande synthèse russe qui a été publiée sur les Indo-Européens, qui d'ailleurs n'est pas complètement d'accord avec Gimbutas. Mais avant ça, c'était elle un peu qui avait amené ça, puis du coup c'est vrai que il faut aussi réfléchir aux apports des Soviet Studies, peut-être des Valaiser Studies, les Valaiser Studies peut-être pas, mais... Ouais, il y a une différence, je pense, entre un grand pan du monde académique qui a été complètement ignoré pendant des décennies, et les types qui disent que le roi Arthur, en fait, il est parti, et il reviendra depuis le lac Léman. Sur ça, je pense qu'on peut... Il reste encore une touche d'actualité que je voulais mentionner. Finir sur ça, effectivement. Et on pourra enchaîner. C'est le film dont vous a parlé avec The Kid Who Would Be King, avec théoriquement Patrick Stewart. Qui devait jouer Merlin dans une espèce de... Alors apparemment, il doit toujours jouer Merlin, mais en fait, là, dans le trailer, il apparaît pas et on voit Merlin joué par un acteur plus jeune. Alors, l'histoire, c'est que c'est un Merlin qui vient dans le présent, puis transformé en un adolescent, il aide un jeune garçon à refonder la table ronde avec ses copains d'école. Ça a l'air très cheesy. Hein, ça me rappelle un peu Avalon High, tu sais, ce grand truc où une jeune... Enfin, c'était un livre de mec cabot à la base, puis après, c'était un film Disney Channel où une jeune fille découvrait qu'en fait, elle était la réincarnation d'Arthur ou de Lancelot ou je sais plus quoi. Et puis que, avec son pote quarterback et son ami cheerleader, elle allait devoir... réincarner Arthur, mais dans l'Amérique du Midwest, c'était très... là, ça a l'air de la même chose, mais en Angleterre, je crois. C'est en Angleterre, et puis vous avez le... Il y a ce côté très kitchen sink fantasy à la Attack the Block, un peu. Voilà, c'est le réalisateur d'Attack the Block, mais donc là, vous avez un jeune garçon qui se fait un peu bully, puis qui trouve, malgré son statut un peu de souffre-douleur, il trouve Excalibur, et puis Merlin vient le conseiller, lui dit « Morgan va envahir le monde », et puis... Je suppose qu'il va probablement y avoir un portail de créatures démoniaques qui va s'ouvrir, et puis peut-être que Morgane va, comme dans tous les films d'action aujourd'hui, son grand plan sera qu'elle va genre créer une colonne de lumière, et puis il faut arrêter sa colonne de lumière qui est au milieu du centre-ville. Ça va être palpitant. Je sais pas si le trailer en montre moins que ce qu'il veut, juste pour garder un peu de la viande. C'est pour ça qu'on voit pas Patrick Stewart dedans, d'ailleurs. Je suppose qu'il va apparaître dans un flashback ou quelque chose où il sera là, genre je reprends ma forme de Merlin pour 5 minutes parce que Patrick Stewart coûte un peu trop cher, je pense. Il a l'air assez cheesy, mais ça peut être fun. Et puis franchement, je préfère les films. Il faut aussi des films arthuriens qui soient un petit peu fun et un peu légers comme ça. Mais donc, si vous voulez le voir, il y a un nouveau trailer qui est sorti. On va probablement avoir de plus en plus d'infos dessus. Il y a eu aussi 2-3 autres infos sur Cursed de Frank Miller et autres, mais on vous en parlera. Ah oui, l'œuvre qui porte bien son nom. L'œuvre qui porte très bien son nom, mais on en vous parlera mieux en temps et en heure. On revient donc pour vous parler du Chevalier de l'Épée et de la Mule sans frein. On va commencer par vous parler de l'histoire de ces deux textes, leur histoire éditoriale. Où est-ce que vous pouvez les lire? Alors là, vous n'avez pas tant d'options que ça, parce que ils ont une histoire éditoriale un peu plus brève. Disons, les deux textes sont contenus dans un seul manuscrit, le manuscrit 354 de la Burger Bibliothèque, la bibliothèque des bourgeois à Berne. Ils sont les deux à la suite l'un de l'autre, ce qui a notamment laissé planer plein de doutes sur le fait que peut-être que c'était le même auteur, parce qu'ils ont quelques similarités, on remarque des thèmes, des similarités linguistiques, donc peut-être ils ont été écrits par la même personne. Mais donc on les a dans un manuscrit unique. Il y a une autre copie, qui est la copie de Moreau, je crois, qui était un érudit du 18e, qui l'a copié pour son usage personnel. Donc c'est une copie assez différente. Vous remarquez tout de suite que c'est pas une copie médiévale avec une jolie écriture et tout, c'est quelqu'un qui a juste copié pour son usage personnel. Le manuscrit lui-même a eu une histoire assez intéressante où il a été prêté à Paris pour quelque chose, et puis ensuite on l'a perdu, et puis il a été retrouvé et racheté pour une assez grande somme d'argent par la bibliothèque de Berne. C'est un de nos manuscrits qui nous permet de mieux connaître les fabliaux médiévaux. Il contient des grandes œuvres, notamment, des œuvres très connues, disons. Peut-être la plus célèbre à part nos œuvres, c'est le Conte du Graal de Perceval, qui n'est pas un fabliau, mais le fabliau le plus connu qui est dedans, c'est le chevalier qui fait les comparler. Mm-hmm. Ce chevalier qui fait littéralement parler les vagins. Il a le pouvoir de parler aux vagins, ce qui vous donne un peu. C'est plutôt ça qu'on attendrait généralement dans un fabliau. Voilà, plutôt, pour vous donner une idée de ce qu'est un fabliau. Plutôt qu'une histoire arthurienne. Mais sinon, il y a vraiment une grande, grande quantité, des douzaines de fabliaux dedans. Il y a la folie Tristan de Berne, qu'on a mentionné quand on a parlé de Tristan, et justement ce conte du Graal partiel, évidemment, nécessairement, qui occupe toute la fin du manuscrit, presque un tiers, en fait, c'est 80 folios à la fin du manuscrit, et nos deux courtes romances arthuriennes qui sont insérées assez au début. Elles font les deux, je crois, quasi exactement 10 folios les deux, dans le texte, en tout cas, c'est vraiment très... C'est vraiment des histoires extrêmement brèves, comparées notamment à des romans comme les autres romans de Chrétien, en fait. On s'attendrait à avoir, disons, quelque chose de plus long comme Yvain ou comme Mémérec ou Cligès. Là, c'est vraiment très court. Hein. C'est 10 folios, ça représente à peu près 1100-1200 vers chacun, je crois. Mmh. Ou dans ces eaux-là, peu de choses près. Oui, c'est des pages, c'est des folios 16 à 26 pour le Chevalier à l'Épée, puis 26 à 36 pour la Mule sans frein. Donc c'est une vingtaine de folios qui prennent sur deux colonnes. Les deux donc ont été édités à plusieurs reprises, disons, au XXe siècle, au XIXe siècle. Les premières éditions datent d'un recueil de fabliaux de 1823, pour vous donner une idée. Mais après, on leur a ajouté différentes éditions, notamment une édition néerlandaise dans les années 1840. Les éditions modernes, disons la plus moderne, on peut le dire, c'est celle de R.C. Johnston et de D.D.R. Owen, qui ont les deux travaillé, je crois, à l'Université de St. Andrews, où ils ont donc fait cette édition double des deux œuvres sous le titre Two Old French Gauvin Romances. Et je crois que leur intérêt principal là-dedans, outre bah, les romances de Gauvin, surtout pour le deuxième des deux auteurs, D.T.R. Owens, c'était les liens qu'elles ont avec, on va le voir, Gauvin le Chevalier Vert. Et je crois que dans la en général, hein, dans la tradition anglaise et anglophone, disons, c'est vraiment ce lien avec ce grand récit arthurien anglais qui a vraiment motivé les intérêts. C'est des récits de Gauvin, donc comme Gauvin et comme de nombreux récits anglais, donc c'est peut-être là que se trouve l'intérêt pour eux. De cette édition anglaise, donc, qui est très complète, avec des notes, qui est très belle, mais qui n'a pas de traduction, je crois qu'il n'y en a qu'une seule traduction française qui rassemble les deux œuvres, et mmh. c'est celle qu'on trouve dans La Légende Arthurienne, Le Graal et la Table Ronde. C'est un volume dont on vous a déjà parlé, parce qu'il contient notamment une sélection un peu étrange de Perceval, Perlesvos, quelques extraits de la... Du livre d'Arthur de Le Graal et le Royaume, c'était de la suite Vulgate ou c'est de la suite un peu arthurienne de... Enfin, il y a des suites bizarres, le livre de Caradoc de la première continuation. On avait le livre de Caradoc de la première continuation, Le Graal et le Royaume, en fait, c'était le manuscrit de Modène, en fait. Donc, voilà, c'était Merlin et puis le Perceval. Et puis, il y avait des autres récits arthuriens un peu plus courts, justement, dont Le Chevalier à l'épée et La Demoiselle à la mule, mais aussi des trucs comme le roman de Geoffrey, L'Âtre Périlleux, Le Chevalier au Papegaut, qui est vraiment... lui clairement parodique. Ouais. Donc c'est vraiment un assemblage assez hétéroclite, disons, mais disons les autres récits, à partir du moment où on passe au Chevalier et l'Épée, je les trouve assez, même le livre de Caradoc, à la limite tu peux concevoir pourquoi ils l'ont ajouté dedans, ça fait ces aventures annexes un peu françaises et courtes, mais ce que je comprends pas vraiment, c'est l'addition de Perlesvos. Alors à la limite Perlesvos en lui-même vaut le coup, même s'il est plus long que les autres, parce que c'est aussi ce côté un peu romance française un peu étrange et pas très courante, mais l'addition de Perceval ou du Merlin et Arthur sans le reste de leur tradition, celle de Chrétien et celle de Robert de Boron, je trouve que c'est un peu étrange, mais enfin c'est un ouvrage bien pratique pour ces œuvres assez rares en fait. Oui, pour les petits romans, les petites aventures de Gauvin, vous les avez pratiquement, je ne vais pas dire vous les avez toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vous avez vraiment une bonne quantité qui sont rassemblées, puis je pense qu'ils auraient presque dû, comme on l'a déjà dit, ils auraient presque dû soit se concentrer justement sur des textes cycliques, et donc faire un truc que Perceval, Perlesvos, les continuations, et par exemple Le Graal et Merlin, ou se concentrer justement sur les romances, et puis là du coup il en manquerait quelques-unes qui seraient plus intéressantes, mais vous avez beaucoup beaucoup de traductions très intéressantes. Ce qui est le problème aussi de leur texte cyclique, ben, comme on l'a déjà dit quand on en a parlé, c'est qu'ils les abrègent beaucoup, et donc ce qui peut être bien, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix, mais du coup vous n'avez pas forcément l'expérience un peu totale. Si vous cherchez des traductions autres que celle-ci, il y a des vieilles traductions en français que vous devriez pouvoir trouver en ligne, notamment celle de 1829, mais je ne suis pas sûr à 100% qu'elle sera très fiable. Par contre en anglais, Le Chevalier à l'épée a été édité dans deux collections, l'un qui s'appelle Bow Details from the Court of Medieval France, édité par Paul Bryant, ça se trouve chez Harper's & Row et ça date de 1972, et chez Dent, Three Arthurian Romances, Poems from Medieval France, je crois que c'est dans la collection éphémère, mais je ne suis pas sûr, avec une introduction et des notes par Ross G. Arthur, ça c'est de 1996, et pour la Demoiselle à la Mule, très récemment, dans un ouvrage qui s'appelle Medieval Arthurian Epic and Romance, 8 New Translations, édité par William Kibler et R. Barton Palmer, chez Macfarlane, je crois. Et ça, c'est disons des traductions anglaises plutôt récentes, comparées à disons, les versions du 19e siècle. Mais c'est vrai qu'en français, elles sont de loin plus accessibles, même si vous ne trouverez pas forcément l'édition bouquin partout, elle sera probablement dans une bibliothèque près de chez vous. Mmh. Il y a aussi en français, il y a une traduction de 1913 de Louis Tarceau de La Mule sans frein qui est sur Wikisource. Je ne l'ai pas vraiment vérifiée systématiquement, je ne sais pas si elle est très fiable. Vous avez aussi l'édition Orlovsky qui est un peu l'édition de référence en français de 1910 de La Mule sans frein. Maintenant, bon, pour ces œuvres qui viennent d'un seul manuscrit, disons, les éditions ne sont pas forcément hyper cruciales, quoi. Je veux dire, la question c'est surtout comment vous allez lire le texte. Il y a un moment où il manque un vers, il y a des moments qui sont peut-être un peu ambigus, mais disons, l'établissement du texte et pas vraiment quelque chose qui pose problème quand vous avez qu'une seule version du texte. Donc, encore une fois, La Légende Arthurienne, traduction de Romain Wolf Bonvin pour La Mule sans frein, et traduction... je sais plus qui a fait l'autre pour... je crois que c'est Baumgartner. C'est Baumgartner, oui. Pour le Chevalier à l'épée. Ça fait une vingtaine de pages chacune, donc c'est vraiment, vraiment court. C'est vraiment une lecture d'une histoire d'après-midi. Et comme on va vous raconter maintenant leur histoire, vous réaliserez probablement que c'est assez court. Donc, commençons par le Chevalier à l'épée, puisque c'est la première dans le manuscrit qu'on vous a évoqué, donc allons dans l'ordre. Ça commence par... nous sommes en été, on ne dit pas forcément toujours précisément, c'est le roi Arthur se dit qu'il va faire une virée, il se fait équiper avec son magnifique attirail, ses beaux vêtements, sa petite zipline, un petit peu de fourrure comme ça. Gauvin accompagne tout le monde, et puis à un moment, il est perdu dans ses pensées dans la forêt, et puis il s'égare. Donc ça, c'est le début, le héros, comme dirait Jung, le soi doit s'égarer en entrant en contact. Bref, Gauvin se perd dans ses pensées, il commence à se dire « Oula, je sais plus où je suis, la nuit tombe » et il commence à plus savoir retrouver son chemin. Il rencontre heureusement un chevalier qui lui propose... Pas un vavasseur, hein, ce coup-ci, c'est pas un vavasseur. Non, là, c'est un chevalier, ce qui change un petit peu, justement, quelqu'un qui lui propose de l'héberger, ce qui est d'habitude, il devrait se battre, mais là, il propose d'héberger et... il part en avant parce qu'il dit d'habitude j'enverrai un serviteur pour aller préparer ma maison pour vous accueillir, mais ben là, permettez-moi juste de partir devant pour le faire. Il dit ok, très bien, je vous rejoins au château là-bas, je vois où c'est. En chemin, il rencontre quatre bergers qui se lamentent quand il arrive. Ils disent ah, mais quel malheur que vous veniez ici, quel malheur que vous veniez ici. Puis il dit mais que se passe-t-il? Puis ils disent mais plein de chevaliers sont allés chez ce seigneur dans sa mansarde, aucun n'en est revenu vivant. C'est très, on commence vraiment comme un épisode un peu de Scooby-Doo, quoi. Le manoir sur la colline, oui, personne, tu sais, personne n'en est ressorti. Personne n'est ressorti. Il dit que personne n'est jamais revenu. Il dit mais comment ça se fait? Et on lui raconte qu'il tue tous les gens qui le contredisent dans sa maison. Genre, si on raconte que si vous le contredisez sous son toit, il vous met à mort. Et puis, voilà, les gens ne savent pas quoi faire. Gauvin se refuse à rebousser le chemin. Donc, il y a un côté très intéressant sur la virilité de Gauvin. Je pense que c'est un des thèmes principaux de l'histoire, c'est la virilité de Gauvin. Il dit, si je rebrousse le chemin pour si peu, tout le monde va en parler. Enfin, mais comment tout le monde en parle? Il y a cette idée assez forte qu'il y avait aussi dans le Chevalier de la Charrette sur le pouvoir de la rumeur. Oui, là, c'est particulièrement prégnant dans celui-ci. On va le voir encore pire après. Il dit, si je fais pas ça, les gens vont savoir que je suis une mauviette et puis ils vont parler, donc je peux pas rebrousser chemin. J'y vais. Il arrive dans la place, le seigneur l'accueille, on prend son cheval, on l'habille, on le met à table, on lui fait se laver les mains pour qu'il vienne manger, on s'occupe de son cheval Gringalet, qui s'appelle toujours Gringalet. Et il est saisi par la beauté de la fille de son hôte. En retour, elle semble aussi être attirée par lui d'une certaine manière, s'entacher un peu de lui. L'hôte les présente et il lui offre sa compagnie. Il lui dit oh, elle fera tout ce qui vous plaira bien. Voilà, basiquement, il le jette dans les bras de sa fille, comme ça. Et puis lui, il se dit ok, je veux pas le contredire. Il veut rester. Il se souvient des avertissements et il dit je vais rester très courtois. Je vais rester très, très poli, juste parler. Il va pas aller trop loin non plus, il va pas trop séduire la fille ou faire des avances, des choses comme ça. Il lui répond gentiment, mais en étant comme ça. Et la fille lui recommande d'ailleurs de rien tenter de déplacer. L'hôte reste très insistant, il revient à la charge, il dit mais vous devez être très flatté que je vous la donne comme amie. Donc il insiste un peu plus sur les visées, disons, il voudrait que Gauvin soit un partenaire amoureux de sa fille pendant le repas. Gauvin doit s'asseoir à côté d'elle et l'hôte donne même à un serviteur l'ordre de garder la sortie, en fait, d'empêcher Gauvin de partir. Donc Gauvin se rend compte qu'il est un petit peu coincé là. Ça sent le piège. Il commence à se méfier et il se demande, un des thèmes, un des mots, un des leitmotifs qui revient beaucoup, c'est il veut se garder. Il faut qu'il se garde. Il faut qu'il ne fasse pas de faux pas, en fait. Qu'il soit, j'irai en anglais, on dirait safe ou secure en français. Il faut qu'il fasse rien d'inapproprié. Donc il doit naviguer ce fil très mince, il ne veut pas rejeter ce que l'autre veut, parce qu'il ne veut pas explicitement rejeter sa volonté, mais il ne veut pas non plus, enfin, je veux dire, par exemple, ce serait un petit peu volage de coucher avec la fille de son autre le premier soir, qu'il a juste de passage, ce ne serait pas approprié. On fait, bah, ça ne s'arrange pas pour Gauvin, parce qu'on se dit, bon, bah, il est l'heure d'aller se coucher, on va faire les lits, notre invité, vous allez dormir dans mon lit, et puis vous allez dormir avec ma fille, donc faites un grand lit pour qu'ils aient de la place, et puis il se dit, bon, bah, voilà, je dois dormir avec elle. Il m'a complètement maqué avec, mais en plus, il l'éclaire par un grand nombre de bougies, comme ça, il ne peut pas s'empêcher de remarquer la nudité de la fille. Il a peur de coucher avec, il a aussi peur de le contredire. L'autre lui dit, il y a les bougies parce que j'ai envie de vous voir, hein, je veux vous contempler dans le lit. Ouais. Il dit bien ça nettement, hein, c'est pas même pas, il y a beaucoup de bougies pour que vous voyez bien. Non, c'est vraiment, je vais vous regarder. Ouais, mais après, en même temps, il dit qu'il va vider il dit aussi qu'il va vider le lieu parce qu'il sait qu'on n'a pas besoin de témoins. Donc, c'est un mais peu. L'idée, c'est qu'il veut les contempler nus dans le lit avant de partir. Ouais, il veut les voir. Mais en tout cas, il dit bon, on va libérer le lieu. Il dit bah, réjouissez-vous. Enfin, l'autre l'avait invité à se réjouir parce qu'il aime pas avoir un hôte quelqu'un qui renacle face à ce qu'on lui offre. Donc voilà, il dit à sa fille de fermer les portes parce qu'en telle circonstance, on n'a pas besoin de témoins. Je vous ordonne cependant de ne pas éteindre les cierges. Oui, il veut contempler leur beauté quand vous serez dans ses bras. et que vous-même vous puissiez voir combien il est beau. Ensuite, il quitte sa chambre, tout le monde est couché. Et là, arrive la scène centrale du texte. Pourquoi ce texte s'appelle Le Chevalier à l'épée ? C'est que Gauvin et la fille commencent à fricoter, ils s'embrassent, ils se câlinent. Et puis alors qu'ils allaient, disons, consommer leur union ou s'unir, la dame dit qu'ils sont toujours sous surveillance. Elle dit, même si je suis seul avec vous, je suis toujours sous bonne garde. Et il dit, mais comment ça se fait ? Et il dit, il y a une épée au mur qui est enchantée. Elle a des filins d'argent, on décrit un petit peu le fourreau. Elle sort de son fourreau toute seule et elle tue les chevaliers qui essaient de coucher avec elle. Et Gauvin, elle dit aussi, ceux qui essayent de s'en emparer, donc ceux qui essayent d'aller prendre l'épée, elle les tue aussi. Donc voilà, vous pouvez même pas essayer de faire ça. Gauvin n'en croit pas. Je cite, il n'a jamais entendu parler d'un péril de cette nature et il craint que la jeune fille ne lui ait fait ce récit pour se protéger et l'empêcher de coucher avec elle. Donc il se dit, on ne me la fait pas à moi, c'est la vieille astuce de l'épée enchantée, hein. Ma petite dame, vous allez passer à la casserole. Donc c'est quand même, il y a un petit côté très, disons, c'est une ambiguïté qui est assez forte sur la figure de Gauvin. On a déjà parlé c'est dans pas les... très ambigu là, hein. Je trouve que non, c'est vraiment, pas ambigu. Mais je veux dire, d'une œuvre à l'autre, Gauvin est soit le personnage le plus galant possible et le plus délicat, soit là c'est un violeur quoi. Donc on avait déjà vu ça dans les continuations où ça passait suivant les versions des manuscrits d'ailleurs de est-ce que Gauvin, la fille de la famille de Lys, est-ce que Gauvin a couché avec elle parce que c'est un espèce de grand séducteur, ou bien est-ce que il l'avait violée. Ça c'est quelque chose qui était aussi qu'il faut évoquer. Là on est clairement du côté où Gauvin se dit oh là, elle essaye de me faire de faire des minauderies, mais on ne me la fait pas. Et il se dit de nouveau, c'est assez intéressant, c'est ce qui s'était fait la première fois, il se dit, si jamais les gens savent que je suis resté dans un lit avec une fille nue et que j'ai rien fait, ça va être la honte pour moi, genre cette espèce d'idée qu'on va décrier mon impuissance ou pire, je sais pas si c'est sous-entendu là, mais c'est quelque chose qu'on avait aussi par exemple dans Landval. On va sous-entendre peut-être que je suis un peu un inverti ou un homosexuel, et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc il dit que je vais pas me dérober rien qu'à cause de ce qu'elle lui a dit. C'est pas juste parce qu'elle m'a dit que, genre, il sous-entend même si elle voulait pas, pas juste parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas, ou qu'elle m'a menti, ou qu'elle m'a raconté un truc, je vais pas. Bon, puis formellement, il a le consentement du père aussi. C'est ça qui est aussi dans cette affaire, c'est purement patriarcal. Hein, il a le consentement du père, et il dit aussi, belle, rien n'y vaut, je suis dans un tel état qu'il me faut conclure et devenir votre amant, vous n'avez pas le choix. Donc il dit littéralement, là c'est parti. Elle dit, du moins ne pourrez-vous désormais m'adresser aucun reproche. Donc là, au moins elle est là, genre, ok. Et bon, c'est aussi clairement dit que la fille en question, elle a clairement envie de coucher avec Gauvin, elle est attirée par lui, elle aime sa beauté, et puis aussi elle lui dit d'ailleurs, j'avais jamais parlé de l'épée à personne d'autre, donc d'habitude il y a juste des chevaliers qui viennent et qui se font buter par l'épée, puis elle les prévient pas, là elle lui dit, elle a l'air de quand même tenir un petit peu à sa sécurité, donc elle a l'air un petit peu plus enthousiaste que, ce qu'on imaginerait. Bon, et puis aussi, elle a l'air de vouloir se garder également, justement, de qu'on puisse pas lui faire le reproche de devoir dissimuler ça. Gauvin commence à essayer de coucher avec. L'épée sort de son fourreau, frappe et blesse Gauvin superficiellement au flanc. Parce qu'il il arrive à bouger assez vite, en fait, pour l'éviter, c'est ça, il me semble. Hein. Il a des réflexes un peu meilleurs que les autres, puis du coup, il arrive à... Je sais pas si c'est ça qui est sous-entendu, en tout cas, il est désigné par l'épée comme étant le meilleur chevalier parce qu'il est à peine blessé, mais elle transperce quand même les draps et la couverture jusqu'au matelas avant de revenir dans son fourreau. Alors Gauvin est complètement abasourdi, choqué, dans une espèce d'état de choc. Elle lui dit « Ah vous pensiez que j'avais fait ce récit pour me dérober à vos avances. Pourtant, jamais je n'en ai parlé à un autre chevalier et je suis d'autre part très étonné de voir que vous avez pu survivre à ce premier assaut. » Donc là, elle avoue que elle lui a quand même averti ce qu'elle fait d'habitude pas. Elle laisse juste les chevaliers se faire buter par l'épée apparemment. Ouais, visiblement, elle aime quand même suffisamment Gauvin... Pour le prévenir. C'est un peu bizarre, ça. On a l'impression que c'est presque là pour un peu dédouaner Gauvin, parce que oui, en fait, en pratique, il va la violer, mais vu qu'elle est quand même d'accord, ses objections n'étaient pas des objections au fait d'avoir des relations charnelles avec Gauvin, mais bien en fait qu'il se fasse tuer. Ouais, ce qui n'enlève pas tellement, vu que Gauvin pense quand même. Non, le vocabulaire de Gauvin est quand même très, très agressif. Voilà, hein, c'est. Même si le texte semble essayer un peu de dédouaner Gauvin de ce côté-là. Surtout que Gauvin, il se dit, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et il retente le coup et il se dit, c'est bon, c'est reparti. Et de nouveau, il se fait frapper par l'épée, mais d'un coup plat sur la nuque, qui lui coupe quand même son épaule droite. Donc il y a l'épée qui apparemment lui tape la nuque et lui coupe un peu l'épaule, cisaillant trois doigts de peau. Donc ça fait quand même. Après, je sais pas si c'est trois doigts de longueur pour une petite plaie ou si c'est trois doigts de profondeur, où là ça devient un petit peu plus méchant. Mais en tout cas, il est blessé de nouveau, il a deux petites plaies. Elle se plante à nouveau dans les bras. Et il dit, demoiselle, je vais conclure une trêve avec vous. Donc il dit, je vais vous laisser tranquille pour le moment parce que j'ai pas envie de me faire tuer par l'épée. Et il reste éveillé le restant de la nuit. Ils n'arrivent pas à dormir apparemment parce que c'est quand même un petit peu stressant. L'hôte revient au matin. Il dit bonjour, comment vous allez? Et puis il y a Gauvin qui dit ah, ça va pas trop mal. Et puis il dit quoi, mais vous êtes encore vivant? C'est autre qui est pas du tout. Il a un petit côté méchant de Scooby-Doo quand même, ce propriétaire de château avec son épée. Gauvin admet qu'il a. Il dit je n'ai rien fait de répréhensible. Donc c'est de nouveau cette idée que Gauvin doit naviguer ses interdictions et ses choses. Il dit j'ai rien fait de répréhensible, ce qui est techniquement vrai. Mais il lui fait remarquer mais vous êtes blessé. Puis il dit oui, j'ai deux blessures, il a saigné dans les draps, et il dit parce que j'ai essayé de coucher avec votre fille, effectivement. Le chevalier demande le nom de Gauvin, il lui dit je suis Gauvin, le neveu du roi Arthur, etc. Il décline un peu cette idée, il dit ah ben, vous devez être le meilleur chevalier, parce qu'il était, prédit, il était annoncé que cette épée épargnerait un jour un chevalier, et que c'est à lui que je pourrais donner ma fille et mon château, etc. Parce qu'il est le meilleur chevalier. Gauvin dit j'ai rien à faire de votre or ni de votre château, j'en ai pas besoin. Mais néanmoins, l'épreuve a été accomplie. Donc là, c'est l'épreuve du lit périlleux que Lancelot avait aussi faite, mais seul. Genre, c'était juste un lit, on lui avait dit dans le chevalier de la charrette, tu peux pas dormir ici. Il a dit, je dors ici si je veux. Et puis le lit s'était fait transpercer par une lance enflammée. Là, en l'occurrence, il y a une dimension sexuelle que dans la charrette, il n'y avait pas ou plus, peut-être, si le motif existait avant. Et donc le château est libéré, les gens se mettent à danser, ils boivent du vin, ils jouent de la musique, ils se racontent des histoires, ils jouent au tric-trac et aux dames, aux échecs, enfin ils jouent à des jeux, enfin toutes ces scènes un peu de liesse, parce qu'ils sont libérés du fait qu'il n'y a plus tous les chevaliers de la région qui vont venir se faire tuer dans le château. Et le soir, Gauvin peut coucher avec la fille sans que l'épée vienne le frapper. Donc là on a une situation où il n'y a plus la même contrainte et où effectivement il couche avec cette dame, les deux de façon aussi consensuel et enthousiaste que ça peut exister dans une société médiévale. Gauvin réalise, au bout d'un moment, il reste au château, il s'amuse bien, et il réalise au bout d'un moment qu'il est resté trop longtemps, à tel point d'ailleurs que ses amis et ses parents étaient persuadés de sa mort. Alors il se dit, bon, il faudrait peut-être que je leur donne signe que je suis vivant. Et il se remet en route. Donc il part avec la demoiselle en question, puisque son père la lui a donnée, en fait, comme épouse, finalement, voilà, enfin, comme amie. Il part avec son ami. En chemin, la demoiselle s'arrête parce qu'elle dit, j'ai oublié mes lévriers, donc ses chiens. Et Gauvin retourne les chercher, et quand il revient avec elle et qu'ils poursuivent leur route, il y a un chevalier qui se jette entre lui et la dame, qui attrape les rênes de la dame et qui se barre avec. Et il dit mais c'est très brutal, et puis Gauvin est pris de court, parce que, rappelez-vous, au départ, c'était pendant une virée un peu de loisir qu'il avait démarré toutes ses aventures, donc il n'a pas son équipement complet. Il a juste son épée, sa lance, son bouclier, mais il n'a pas d'armure, probablement pas vraiment de coude de maille. Il n'est pas, je sais plus exactement ce qui est précisé, mais en tout cas il n'a pas son équipement complet. Donc de voir un chevalier en armure complète qui lui prend la dame, ça le stresse un petit peu. Il est furieux, il lui hurle hey, « Mais d'où est-ce que vous faites ça? Pour qui vous vous prenez ?» Et il lui reproche sa brutalité, il le défie en duel et il lui demande de le laisser aller chercher une armure pour qu'il puisse le démonter. Mais il refuse. Par contre, il dit on va laisser la dame choisir avec qui elle veut repartir. Et donc il la laisse, la dame aller au milieu du chemin entre deux, puis elle peut choisir avec qui elle veut repartir. Et puis la dame choisit, elle se remet de nouveau entre les mains du nouvel arrivant. Alors là, le narrateur explose, mais qui, quelle dame ferait quelque chose d'aussi traître que ça? Quel acte ignoble, c'est horrible. Et il implique aussi que ça a trait aux performances sexuelles de Gauvin. Il dit « Apprenez en effet, tout autant que vous êtes, que cela vous fasse sourire ou frémir d'indignation, qu'il n'y a pas de femme au monde qui, même si elle était l'épouse et l'amie du meilleur chevalier que l'on puisse trouver d'ici en Inde, lui porterait assez d'amour pour lui montrer un brin d'estime s'il n'était également preux à la maison. Vous voyez bien de quelle prouesse je veux parler. » Donc en gros, j'espère que t'es aussi bon que moi au lit, quoi. Voilà, puis alors apparemment, voilà, il y a un petit côté très Virgin Gauvin, enfin pas vraiment Virgin, mais Gauvin contre Chad, nouvel arrivant chevalier qui lui vole sa copine avec son pur machismo et sa force physique. Gauvin, une fois qu'il voit ça, puis que la dame veut partir sans lui, il dit qu'il va pas se battre pour quelqu'un qui veut pas de lui de toute façon. Et donc il part. Mais sauf qu'il y a les lévriers, les chiens de la dame qui accompagnent Gauvin. Et puis la dame dit « Non, au nouveau chevalier, je ne serai pas votre ami tant que vous ne m'avez pas ramené mes chiens. » Donc le chevalier se jette après Gauvin et lui dit « Rendez ces chiens. » Gauvin dit « Mais de toute façon, ils m'ont suivi de leur plein gré. » Puis ils disent « on va refaire le même jeu. » Puis donc il met les chiens au milieu du chemin. Et puis les chiens de nouveau l'accompagnent parce qu'ils le connaissent. Puis du coup là, il y a une parenthèse, il y a un parallèle extrêmement misogyne, extrêmement populaire qui est fait entre l'infidélité des femmes et la fidélité des chiens. Donc, vous voyez, les chiens, au moins, quand on les nourrit, ils nous suivent, pas comme les femmes qui veulent juste avoir leur vie indépendante, mais faire un peu ce qu'elles veulent. Les chiens, eux, on veut leur faire confiance. Le chevalier, juste parce que, en plus, juste parce que les chiens le connaissaient d'avoir été chez le père de la dame. Le chevalier veut donc se battre. Gauvin n'est pas équipé, comme on l'a dit, donc il n'a pas son armure. Malgré ça, il arrive à désarçonner le chevalier. Une fois qu'il est à terre, il lui cogne sur le haubert jusqu'à ce qu'il soit assommé. Donc Gauvin est quand même assez vicieux de ce côté-là, aussi parce qu'il est un peu démuni. Donc il cogne sur le haubert alors qu'il est à terre. Ensuite, il lui lève le haubert et puis il lui plante dans le flanc son épée. Donc il le laisse pour mort. Alors qu'il va repartir, la dame le supplie de la reprendre. Elle a l'air de dire il était en armure. Je me disais que ça. Je pensais pas que vous pourriez le battre, donc je l'ai suivi parce qu'il était plus fort et viril que vous, monsieur Gauvin. Puis la dame lui demande ça, lui il la laisse là, puis il dit non, je vais pas vous reprendre parce que ça prouve bien l'inconstance des femmes depuis que Dieu a créé la première d'entre elles. Donc il se lance de nouveau dans un petit speech misogyne comme avant, ou de nouveau, voilà, et il ramène ça à la traîtrise congénitale jusqu'à Ève. Il retourne à la cour d'Arthur avec. Comme seule trace de cette aventure, finalement, les chiens, les lévriers qu'il a récupérés ce château. Et puis, c'est le dernier mot de du chevalier à l'épée. Donc, forcément, on comprend qu'il a pu être mis avec des Fabliaux, parce qu'il y a ce thème quand même assez misogyne, bon, voilà, qu'on peut retrouver par ailleurs, les chiens sont fidèles au moins, et puis... Il y a le jeu sexuel bizarre un peu du père qui... Il y a le jeu sexuel bizarre du père qui est là, « Ah, vous connaissez ma fille !» qui veut absolument... Donc il y a eu des interprétations un peu psychanalysantes sur le fait que le père... arbore sa fille comme cette espèce de tentation sexuelle aux chevaliers qui viennent, puis il les tue s'ils succombent à la tentation. Qu'est-ce qu'on essaie de dire là? Je pense que dans les thèmes, vous avez vraiment cette virilité de Gauvin, finalement, où il est très genre « Oh, je pourrais faire quelque chose d'intelligent, mais si je le fais, on va se moquer de moi. Alors, je vais pas le faire. » Il faut que c'est à chaque fois, on lui donne des informations qui lui permettraient de faire, puis il dit « Non, mais probablement que c'est pas vrai. » Et il s'avère à chaque fois que c'est vrai, et il fonce à chaque fois dans le mur et dans le danger, parce que il se dit « Sinon, je vais pas être assez viril. » Et puis après, bien sûr, on a une projection de la virilité négative. Vous avez le chevalier qui vient voler la femme. Oh là, c'est pas bien. Et puis les femmes traîtres qui, pour aucune raison, décident de suivre ce chevalier, c'est vraiment pas très gentil. Et puis je pense que vous serez tous d'accord que toutes les femmes sont comme ça, nous dit le narrateur. Donc une histoire quand même assez aussi loin que vont les histoires de Gauvin, quand même, je pense, dans le spectre de la misogynie, c'est beaucoup plus explicite que même chez... justement, on s'inspire beaucoup de chrétiens, mais chez chrétiens, il y avait quand même une espèce de... pas forcément de subtilité, mais disons, même les personnages de femmes qui sont un peu vilifiés, comme l'orgueilleuse de l'ogre, la Malpucelle, ce genre de personnages, ne sont pas... forcément si négatif que ça, c'est-à-dire qu'on les montre comme des épreuves ou des moments à surmonter, mais finalement on vous explique pourquoi ils sont méchants et pourquoi elles se comportent comme ça. On n'a pas forcément cette image de la traîtrise absolument sans aucune raison et sans justification. Et il faut dire que là on est clairement dans la lignée de chrétien. On a le motif du lit périlleux, donc un lit où une arme va s'abattre au milieu de la nuit et qui va à peine égratigner le chevalier qui est le bon chevalier, parce que lui il est plus ou moins élu par ça, mais qui va quand même le faire saigner dans les draps et qui va être une trace que la nuit a été agitée. Bon, là il y a aussi le fait que Gauvin finalement n'a pas achevé de coucher avec la jeune fille aussi. Oui. Donc malgré le fait qu'il ait essayé, c'est presque ironique parce qu'au final il a été préservé, mais pas parce qu'il a couché avec la fille, parce que finalement il a renoncé. Oui. Donc c'est un peu ambigu, on est un peu dans le même genre de morale qu'on va le voir dans Gauvin et le Chevalier Vert. Oui, les parallèles avec Chrétien sont très évidents, notamment dans le fait que, bah, bêtement, l'introduction de l'œuvre fait une espèce de digue, mais une espèce de digue à Chrétien. Enfin, il accuse un peu Chrétien de ne pas avoir parlé assez de Gauvin, mais tout en disant non, mais c'est pas grave, parce que du coup, je peux vous parler de Gauvin. Oui. Ce qui est un peu ironique, parce que Chrétien a quand même écrit beaucoup sur Gauvin, notamment dans le Conte du Graal. Donc, c'est un peu cette espèce de. Oui, il dit, je cite, même si j'en suis moi aussi incapable, ce n'est pas une raison pour garder le silence et ne rien entreprendre. Sans doute on ne doit pas, tel est mon avis, blâmer Chrétien de Troyes, lui qui a su compter du roi Arthur, de sa cour et de ses chevaliers dont la réputation et les valeurs furent si grandes, de rapporter les exploits des autres sans tenir compte de ce héros. Donc, il nous mentionne justement, Chrétien, c'est un topo qui est très courant, qu'on va voir aussi le mois prochain dans le Parzival, qui est « Oh, Chrétien, il a raconté son histoire, mais laissez-moi vous raconter la vraie histoire de ça », qui fait partie des motifs que le conteur médiéval donne pour dire « Voilà, l'histoire que je vais vous donner, c'est... » Plutôt que de dire « C'est une nouvelle version », comme ça, on dit « Je vais vous raconter la vraie histoire qui a été cachée sous silence par la complicité des médias ». Voilà, je pense qu'on reparlera un peu plus, je pense, une fois qu'on aura lu La Demoiselle à la Mule, parce qu'il y a pas mal d'interprétations parallèles qui peuvent être faites, notamment avec d'autres textes. Mais après cette petite pause musicale, donc on revient pour vous parler de La Mule sans frein ou La Demoiselle à la Mule, attribuée à un certain Payen de Mézières. télévision déraille, quand la radio tressaille, quand la presse écrite est en pagaille, une seule solution s'offre à vous, TVNR. Avec TVNR, à écouter deux fois par mois sur Radio Kawa, votre dose bimensuelle de médias est concentrée pour un meilleur apport en vitamine C. Une pilule de Bolossé par Bolloré, une plaquette d'Europe 1 remaniée, deux cuillères de Le Média et trois portions de fraîches recommandations suffiront à vous remettre d'aplomb. Et face à l'anonyme aiguë, nous nous chargeons encore de chercher le meilleur traitement. TVNR, c'est le meilleur et le pire du monde des médias, à écouter un lundi sur deux sur Radio Kawa. Après cette petite page de publicité, nous sommes de retour pour vous parler de La Demoiselle à la Mule ou La Mule sans frein, qui est généralement le titre préféré, mais on trouve les deux. Une autre aventure de Gauvin, qui cette fois-ci va partager la vedette avec un de ceux qu'on a déjà vu, pas dans le plus beau rôle, mais le sénéchal Queux. Alors on parle de La Mule sans frein ou de La Demoiselle à la Mule, qui mentionne le nom dans son introduction de Païen de Mézières. En gros, l'idée, c'est qu'il y a un proverbe qui dit que ce qui est vieux et mis au rebut peut être utile par la suite, et que Païen de Mézières, ça fait dire à Païen de Mézières, qui est plus ou moins compris comme l'auteur, que parfois il peut être utile de redire des vieilles choses. Donc l'application, c'est que c'est une vieille histoire. Et ce Païen de Mézières, le nom pourrait être un nom, mais il semble assez possible, même probable, que ce soit un jeu de mots, en fait. Païen, chrétien. Et Mézières, il y a plusieurs communes qui s'appellent Mézières aujourd'hui encore, que ce soit dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, un peu partout en France. Donc il y a plusieurs Mézières qui peuvent être candidates, notamment dans la région de Champagne, dans l'est de la France, dans les terres où Chrétien aurait vécu et écrit. Et le fait que l'environnement littéraire... Si on n'accepte pas l'hypothèse que Chrétien III n'est qu'une émanation de l'esprit vaudois qui s'est incarné... C'est ça, Chrétien III, c'est l'esprit, c'est plus particulièrement le corps collectif des Vaudois dans la résistance aux Savoyards qui s'est incarné. Les Savoyards sont les Saxons, c'est bien connu. L'idée, c'est que ce texte est vraiment une réponse à Chrétien, comme l'a pu l'être. On l'a vu, Le Chevalier à l'épée. Les deux textes, d'ailleurs, on ne l'a pas dit avant, mais partagent quand même une langue assez proche de celle de Chrétien, même si, dans le cas du Chevalier à l'épée, elle est un peu plus distante, notamment parce que Le Chevalier à l'épée a un usage moins systématique du système casuel du français. C'est-à-dire que le Chevalier à la Mule est un peu plus dans la lignée de Chrétien dans la façon dont il utilise les déclinaisons, alors que le Chevalier à l'épée... que La Demoiselle à la Mule est un peu plus proche de Chrétien, alors que Le Chevalier à l'épée est, elle, un peu plus évoluée vers l'absence de cas qui prévaut en français contemporain. Toujours est-il que les deux semblent avoir des auteurs différents, du coup, de ce fait-là, parce que leur langue est suffisamment différente pour justifier le fait qu'on les pense issus de deux auteurs différents, et que très probablement aucun des deux n'est en fait chrétien, hein, comme, contrairement à ce que certains ont pu affirmer par le passé. Ça me semble assez évident. L'histoire de La Demoiselle à la Mule commence précisément quand une demoiselle arrive montée sur une mule à Cardwell, Carlisle, le Cardwell qu'on a vu à plusieurs reprises, à la fête de la Pentecôte qui s'apprête à être célébrée par Arthur, ses barons, sa reine et ses chevaliers. Et arrive donc cette demoiselle à la mule qui est extrêmement triste et qui demande à des chevaliers de retrouver la bride de sa mule. Donc il faut comprendre ici que le frein de sa mule, en fait, c'est la bride, hein. C'est pas simplement son mort, c'est vraiment tout son... le harnais, quoi. Le frein désigne donc le mort qui normalement est dans la bouche de la mule et sur lequel on tire pour la freiner, mais par... métonymie. Par métonymie, ça peut désigner justement tout l'appareil, la bride, etc. pour la diriger. Et donc vu que la Pentecôte, c'est le rassemblement par excellence d'une quantité de chevaliers vaillants et nobles, elle demande à quel chevalier voudra bien récupérer le frein de sa mule en montant sur la mule qui le guidera, qui la ramènera le frein et la rendra heureuse à nouveau, et à qui elle se donnera comme amie et qui pourra disposer d'elle donc comme bon lui semblera. Alors, deux chevaliers vont sauter sur l'occasion. D'abord, ça sera Queux. Queux, on l'a vu, hein, est un peu l'exemple, à partir de Chrétien, du chevalier un peu... impulsif, pas très doué. Impulsif, pas doué, mais aussi un peu vicieux et fourbe. Là, c'est pas tellement le cas. On pourrait s'attendre à ce que chez Chrétien, Queux, par exemple, lui rit au nez et puis se moque d'elle. Là, il saute sur la mule. Enfin, il saute pas exactement sur la mule, d'ailleurs. Il y a une différence qui est faite entre Queux et Gauvin, là-dedans. Queux doit céder de la selle. Enfin, il monte en montant aux étriers sur la mule, alors que Gauvin, on va le dire plus tard, saute sur la mule. Donc, il y a quand même une différence, disons, d'héroïsme dans les deux cas. Donc, il va monter sur la mule, qui va le guider à travers une forêt. Elle va la guider à travers une forêt remplie de bêtes qui se prosternent devant la mule, comme si elles reconnaissent la mule. Même si ça fait très peur à Queux, évidemment. Il passe par une vallée remplie de couleuvres, de serpents, de scorpions et d'autres bêtes qui crachent du feu. Puis ensuite par une vallée dans laquelle cette vallée il y a le froid qui règne comme au cœur le plus rigoureux de l'hiver. Tu te dirais qu'il pourrait être content du coup que les scorpions crachent du feu, ça devrait le réchauffer. Et là ensuite il passe avec la mule près d'une fontaine entourée de fleurs et de genévriers. Donc il abreuve la mule et il se remet en route. Et il arrive devant une rivière qui est très large et très profonde, qui est tellement noire que tu ne peux pas voir le fond. Et il voit que seulement une petite planche en fer qui permettrait le passage. Du coup, il prend peur, il a peur de tomber dans l'eau. Il se dit que ça ne va pas être possible. Et du coup, il décide de reprendre le chemin inverse et de retourner sans la bride, sans le frein, à Cardwell. La dame est donc du coup très déçue. Et c'est au tour de Gauvin de tenter l'aventure, qui va... Donc, comme on l'a dit, hein, il va sauter en selle, il va se mettre en route. Enfin, disons, il y a une petite aussi de différence là, peut-être, que avait demandé à la dame de lui accorder le baiser avant qu'il parte, parce qu'il se dit, oh, ça va tellement être facile que tu peux me donner le baiser que tu promets, enfin, à ton ami avant que je parte, alors que Gauvin lui fait seulement promettre de ne plus pleurer et de ne plus être découragé parce qu'il va réussir. Donc il y a peut-être le côté que Gauvin est un peu plus noble dans cette version-là que même le Gauvin du récit précédent. Donc il va monter, il va passer par le même parcours que sauf que lui, il n'aura pas aussi peur. Et quand il passe sur la planche en fait, il fait confiance à la mule qui va sauter expertement. Et ça me rappelle un épisode un peu du conte du Graal, en fait. Il y a un épisode un petit peu similaire, il me semble. Est-ce que c'est Gauvin aussi qui passe par un pont ou un truc comme ça, où il a sauté sur des trucs? Je crois que dans les continuations de Perceval, il y a un pont de verre. Il y a des ponts de verre et des trucs comme ça, tu sais. Ouais, c'est des passages un peu où tu dois faire confiance, disons, à ta monture, voilà. Quoi, en gros. Des ponts périlleux. Pour le coup, c'est assez intéressant parce que là, Gauvin, c'est vraiment la seule monture qui paraît pour l'instant, c'est cette mule. Alors que dans l'épisode précédent, Gauvin est sur Gringalet, hein, comme chez Chrétien. Là, il y a vraiment cette mule qui va le guider sûrement à travers ce cours d'eau. Il arrive devant un château qui est en fait entouré de pieux, si j'ai bien compris. Et sur ces pieux, il y a des têtes de chevaliers qui sont plantées, quoi, affichées comme des avertissements, disons. Et le château est entouré par un cours d'eau et tourne sur lui-même, comme une toupie. Donc c'est clairement une merveille un peu... inatteignable, disons. Mais Gauvin est un bon gamer, alors voilà. Il arrive à sauter au bon moment pour quand il voit passer la porte. Il va faire un frame jump parfait. Non, il faut dire aussi que c'est assez réminiscent pour moi du pont de l'épée, de ce château périlleux, la crainte d'être coincé dans un cours d'eau, ça aussi c'est dans Lancelot, où c'est Gauvin justement qui se retrouve en train de se noyer dans un... Dans une machine à laver. Une machine à laver, exactement. Donc là, il y a vraiment des peut-être une parenté avec ça. Gauvin, donc, en sautant au bon moment, arrive à rentrer dans ce château tournoyant. Il rencontre un nain dans ce château, mais alors ça c'est assez curieux, le nain va le saluer puis il part disparaître. Il le salue au nom de sa dame et puis il lui dit voilà. Mais que signifie... Trop tard, il est déjà parti. Et il arrive donc dans ce château qu'il voit vide, il n'y a rien qui se passe, il ne trouve personne, jusqu'à ce qu'il rencontre un type qu'on décrit comme un vilain, enfin un paysan quoi. Enfin, c'est clairement pas un noble ou même un soldat très très vaillant, mais c'est un vilain qui a la peau aussi noire. Alors là, c'est un peu ambigu. Enfin, il dit, il a la peau aussi noire qu'un mort de Mauritanie ou qu'un paysan un peu bronzé des plaines de Champagne. Enfin, l'implication, c'est que c'est clairement quelqu'un qui travaille dehors, qui n'est pas un noble chevalier bien pâle qui peut se balader soit alors, à l'ombre c'est une espèce de châteaux ou des... C'est une espèce de géant qui ressemble un petit peu à celui que Yvain voyait en train de garder les bêtes dans le chevalier au lion. Il, c'est lui qui doit lui indiquer son chemin, puis trouve une espèce de géant avec une massue sauvage qui est dégueulasse, et puis qui est décrit aussi à la peau foncée, etc. Là, au début, il y a ce côté un peu monstrueux, puis après, dès qu'on le fait la comparaison avec les paysans, c'est presque plus comme s'il était, ben, en fait, il fait peur parce que c'est un paysan, puis que ces gens n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de paysans, je sais pas. Ouais. Il y a cette différence de classe qui est assez intéressante, là, parce que c'est clairement un vilain, et c'est assez rare. Généralement, ils sont plutôt aidés par des vavasseurs aux aiguilles, et là. Il est plus grand que Saint-Marcel, on nous dit, et il porte sur l'épaule une grande et large guisarme, donc c'est une espèce de grande hache, une longue hampe avec une lame comme une faucille un peu. Mais c'est pas aussi grand qu'une hallebarde par exemple, c'est plus comme une espèce de grande hache. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressemble à un de ces morts de Mauritanie ou un vilain de champagne que le soleil a toute année. Peut-être que le vilain de champagne que le soleil a toute année, c'est de nouveau une espèce de petite pique à Chrétien de Troyes. Certains l'ont lu comme ça en tout cas, que peut-être si on faisait si ça vient du milieu champenois, ça veut pas dire grand chose. Et le summer du conte du Graal. Qui petit sème, petit récolte. Ouais. Non, il y a ce côté un peu effectivement une allusion géographique bien précise. Après, il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas du tout dans la rhétorique. On n'est pas nécessairement dans la même rhétorique que dans le chevalier à l'épée, où c'était les merveilles du château sont décrites de façon ils ont tellement de merveilles que je vais pas vous les décrire. Là, c'est vraiment beaucoup plus c'est une peinture par petites touches presque ici. Mmh. Enfin, même si on retrouve certains usages dans ces contes courts, c'est très pratique de pouvoir dire « Ah, je ne vais pas vous décrire les merveilles qu'ils ont mangées ou vues », mais là, il y a vraiment ce côté un peu, voilà, c'est presque impressionniste cette figure du mort. Et alors, le mort va lui expliquer un peu la situation. Enfin, c'est pas nécessairement un mort. Le vilain va lui expliquer la situation, il le salue, il va lui dire que le frein, parce qu'il sait qu'il vient chercher le frein, est sous-clé et très bien gardé. Alors il va donc mettre la mule à l'étable et il va mettre la table pour Gauvin, il va lui offrir à manger, il va lui donner un lit, mais avant ça, avant que Gauvin aille au lit, il lui dit « Il faut que maintenant que tu me coupes la tête avec cette guisarme et demain je te couperai la tête à ton tour. » Alors Gauvin trouve ça un peu bizarre, mais il le fait, il lui coupe la tête et le vilain part en emportant sa tête dans ses mains. On est de nouveau dans le motif. Je trouve ça très marrant parce que le vilain se relève, prend sa tête, se barre, il retourne dans le caveau et Gauvin va se coucher complètement confiant, mais le lendemain il revient vivant, puis là. Oh Oui, parce que le lendemain, évidemment, il revient, il a de nouveau sa tête sur les épaules. Genre, il se dit, c'est bon, il trouve pas étrange que le type ait juste récupéré sa tête, ça l'inquiète pas du tout, mais par contre, quand il revient le lendemain, oulala. On est dans une dimension qui est proche de la décapitation de la première continuation, ou surtout du Gauvin le Chevalier Vert, avec ce côté, il est encore vivant. Alors que le jeu de décapitation dans Perles Vos, c'est vraiment, il est décapité, qu'est-ce que tu crois, il est mort maintenant. C'est vraiment l'exact inverse, tu sais, là c'est vraiment, il a survécu, magie. Dans Perles Vos, alors que Perles Vos, c'est quand même pas avare en magie. La plupart du temps, là, c'est non, tu l'as décapité, il est mort. Et il est mort. Là, donc, il revient le lendemain matin, et donc Gauvin est un peu en PLS, mais comme diraient les jeunes de nos jours. Mais vu qu'il a pris un engagement, il va le respecter, il met sa tête sur le bilot, et du coup, là, il n'y a même pas de tentative de lui mettre un coup de hache sur la tête, il est vraiment ok, c'est bon, tu as réussi le jeu. Donc là, c'était clairement peut-être le test un peu de courage, tel qu'on pourrait l'imaginer. Et qu'il respecte ses engagements. Il lui dit aussi, c'est assez intéressant, il lui dit « Étire ton coup sur le bio », puis Gauvin est là, mais j'ai pas plus de coups à étendre, en fait. Genre, j'ai étendu mon coup au maximum. Mais il y a l'idée que non seulement il se met, mais qu'il rechigne pas, qu'il tend vraiment le coup. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi... C'est vraiment là pour clarifier le fait qu'il le fait pas... c'est sans doute là pour dire, c'est pas comme le Gauvin de Gauvin le Chevalier Vert, enfin... Ça peut pas être une comparaison avec ça, mais disons, c'est pas comme le Gauvin, un Gauvin qui serait hypocrite ou qui essaierait de renier son truc. Ou qui aurait une ceinture magique. Ou qui aurait une ceinture magique, là, en l'occurrence. Même bien qu'il aille chercher une bridle en anglais, c'est très proche de griddle, de girdle, donc la ceinture de Gauvin le Chevalier Vert. Mais enfin, on va le voir, on va en parler peut-être un peu plus tard. Là, pour le coup, c'est vraiment. Gauvin est juste brave. Il y a pas de... C'est comme le Lancelot qui revient se faire décapiter dans le Perles Vos, pour le coup. On peut mentionner le parallèle avec la littérature irlandaise de Fled Brickren, le festin de Brick Riu, qui est dans le cycle d'Ulster, et qui parle justement, donc je crois que c'est Cochlein. Il est contenu dans un manuscrit du XIIe siècle, probablement beaucoup plus vieux, où vous avez justement quelqu'un qui demande à Cochlein de le décapiter parce qu'il s'est engagé à ça, et il dit « Ok », et il dit « Étends ton cou sur le bio », puis alors il étend son cou, puis là il y a une espèce d'idée que Cochlein est une espèce de monstre caoutchouqueux qui peut étendre son cou sur la longueur de plus d'un pied, sur tout le bio, pour montrer qu'il veut bien se faire décapiter. Et puis, de nouveau, la même chose, c'est un test de courage. Donc là, c'est probablement un motif, peut-être pas d'origine directement irlandaise, mais probablement dans le périphérique des îles anglo-celtes, on a ce genre d'histoire qui circule, comme on les a déjà vus dans la première continuation de Perceval et dans le Perles Vos. Bon, alors, pour le coup, là, c'est vraiment purement, effectivement, un test. Le texte nous le dit, Gauvin étend son coup, mais le vilain n'a aucune envie de le frapper parce qu'il a tenu sa promesse. Donc c'est vraiment clairement l'idée que c'est un test. Et du coup, il va lui demander comment obtenir le frein, effectivement. Il va lui parler, le vilain, des deux lions qui gardent le frein. Et justement, il lui dit, bon, tu n'arriveras pas à les battre normalement. La plupart des chevaliers n'arriveraient pas, mais je vais t'aider. Et comment il va l'aider? Il lui dit, d'abord, il faut que tu manges. Donc il y a ce côté très, il faut que tu manges, il faut que tu te nourrisses. Et Gauvin refuse. Et Gauvin dit, non, mais ça ne me servait à rien de manger. Donne-moi plutôt une armure. Et donc... l'autre va lui donner effectivement un équipage et 7 écus. 7 écus, hein, donc 7 boucliers. Là, on est bien différent du chevalier vert où il y a un seul écu particulier avec son motif spécial. Donc, le vilain va délier un des deux lions qui garde le frein, va l'amener à Gauvin, donc comme relativement bien dressé pour que tu puisses l'amener directement. Et sur une esplanade devant le château, Gauvin va se battre contre le lion, qui va lui ravir les écus, en fait. Il va lui détruire ou lui arracher les écus un par un, jusqu'à ce qu'il détruise 4 écus en tout. Et là, pour vous dire, il a une ligne, le vilain, qui dit « Ah bah, tu risques bien d'avoir à attendre avant le prochain repas. » Je pense que l'implication, c'est que la puissance, c'est lié à la puissance de Gauvin qui varie selon l'heure de la journée, si j'ai bien compris. Enfin, si j'ai lu ça correctement. Je crois qu'il veut dire. Je sais pas s'il sous-entend qu'il va pas réussir à lui fournir plus d'écus avant le prochain repas, ou si simplement il sous-entend ah bah tu vas te faire buter, alors tu risques bien d'attendre longtemps le prochain repas. C'est vrai que j'ai pas compris cette réplique non plus. En tout cas, c'est visiblement suffisant pour motiver Gauvin qui du coup, d'un coup d'épée, transperce le lion et bat le premier lion. Il demande à l'autre de lui amener l'autre lion, et encore une fois l'autre lui arrache son écu, il en est au cinquième, il lui arrache l'écu, il est au sixième, il lui arrache encore l'écu, et du coup là il se dit j'ai plus d'écu, du coup c'est le septième et dernier, et du coup c'est ce qu'il lui fallait comme motivation pour finir d'achever le dernier lion, et il le transpèse encore de part en part, il le coupe en deux. Et enfin, une fois qu'il l'a battu, bon, c'est très bien, tu les as battus, je vois ta manche remplie de sang, mais bon, maintenant, il faut vraiment que tu manges quand même, tu dois te reprendre des forces. C'est un peu la maman qui veut lui remettre des... Il est très paternel. Mais Gauvin ne veut pas manger. Donc du coup, le vilain la met directement à la prochaine étape, et il tombe sur un chevalier blessé, en fait, dans une chambre, et le chevalier dit, il va falloir que tu te battes contre moi. Donc Gauvin est un peu embêté quand même parce qu'il est ensanglanté, enfin il est clairement blessé, et lui dit le chevalier blessé que tous les chevaliers qui sont sur ces pics en dehors du château, hein, on l'a vu, les têtes coupées, sont en fait les chevaliers qui n'ont pas soit pas réussi à le battre, soit qui ont refusé de se battre contre lui. Ce qui n'est pas complètement cohérent qu'ils ont échoué à se battre contre lui, parce que ça veut dire que quelqu'un aurait déjà réussi à tuer les deux lions pour arriver jusqu'à lui, ou bien est-ce qu'ils sont juste fait tous tuer à l'étape des deux lions? Mais dans ce cas, enfin, ou alors il y a un élevage de lions qui. Ouais, je sais pas exactement comment ils imaginent ça, parce qu'ils disent qu'ils ont échoué à le battre et puis que la coutume s'est déjà produite. Mais si les lions sont toujours là, apparemment, enfin, je sais pas, c'est pas vraiment explicité. Non, en tout cas, toujours est-il qu'il s'équipe malgré son état de relativement peu. Heureux du point de vue de la santé. Peut-être qu'aussi il est blessé parce qu'en fait il a dû se battre et il a été blessé petit à petit et qu'il a été affaibli par les autres chevaliers. Ça, c'est pas extrêmement clair. Il y a peut-être un lien aussi avec les figures du roi pêcheur blessé. Enfin, ça semble assez ténu quand même. Alors, peut-être que l'auteur s'est inspiré de cette scène de Chrétien sans reprendre. C'est symbolique de voir juste le chevalier blessé. Enfin, toujours est-il que ils arrivent à se battre pendant assez longtemps malgré l'état de blessures du chevalier gardien du frein. Ils se battent pendant plusieurs heures et le temps, enfin, on nous dit le temps qu'il faut pour parcourir deux lieues, donc peut-être pas plusieurs heures, mais en tout cas un bon moment. Gauvin est un peu frustré au bout d'un moment, donc il attrape le chevalier puis il le secoue un peu comme en voulant le tuer, et l'autre du coup ils se disent arrête, j'ai peur maintenant, je vais pas oser te continuer à me battre contre toi, donc en gros il crie la défaite, et parce qu'il n'y a pas de chevalier à la mesure de Gauvin, donc visiblement il suffit de faire un espèce de stalemate pour parvenir à battre le chevalier. En tout cas, il nous dit explicitement que c'est lui qui avait décapité les autres chevaliers qui ornaient les pieux autour du château. Ouais. Il a aussi réussi à trancher le cercle du home du chevalier, donc il a quand même bien entamé son armure aussi, avant de commencer à le secouer de façon très Astérix. Oui, à ce côté, oui, exactement, à ce côté, la potion magique, il lui fait des baffes un peu à la Obélix. Donc, une fois que Gauvin est désarmé, il demande au vilain maintenant quoi ? Il reste encore des étapes. Et effectivement, il y a encore deux serpents qui crachent du feu. Mais heureusement, il va parvenir avec l'équipement que lui fournit le vilain, à les battre, non sans se faire, se faire des saletés au visage. Parce que le vilain semble avoir prédit, en fait. Il dira, avant que ce soit fini, tu auras du sang plein le visage. Puis apparemment, les serpents crachent du sang et des ordures et lui vomissent dessus, on ne sait pas trop quoi. Puis aussi, il y a cette absence de... Comment dire, il y a pas vraiment de différence en fait dans les textes médiévaux entre serpent et dragon. Genre un serpent qui crache du feu, c'est plus ou moins un dragon, mais c'est plus ou moins un serpent. Enfin, c'est pas toujours. On a vu qu'il y avait aussi des scorpions qui crachent du feu et plein d'autres bestioles. Disons, il y a pas vraiment une typologie très claire des reptiles cracheurs de feu dans ce genre de texte. Donc après que le vilain ait vu son visage, donc comme on l'a dit, souillé de sang et d'ordure, le nain qui avait salué Gauvin avant réapparaît et il va le guider à la chambre. De la dame du château, en fait, qui garde le frein, quoi, où il va pouvoir obtenir, après avoir partagé son repas, le frein qu'il est venu chercher. Et là, on repart dans une rhétorique un peu plus proche de celle du chevalier à l'épée, puisqu'on va de nouveau décrire, ils vont avoir un festin qui va effectivement être décrit en nous disant « Ah, ils ont eu des tissus tellement riches que si je prendrais du temps pour les décrire, j'en aurais pas fini, je perdrais mon temps et ma sueur ». Mais il ne faut pas la peine d'en parler en détail, leur nourriture était si riche et si bonne que je ne peux pas la décrire en un instant. Donc il y a cette rhétorique aussi voilà, du fait qu'on va, en disant peu, on peut décrire la richesse qu'on veut en fait suggérer. Ils vont avoir donc leur repas et elle va lui expliquer quelle est la sœur de la demoiselle qui l'a amené, qui l'a fait venir jusqu'au château, que c'est elle qui garde le frein. Et elle lui offre, du coup, la possibilité de demeurer au château qu'elle lui offrirait, alors que, parce qu'elle en a déjà, elle disait 38, elle en a 38 autres, donc elle collectionne les châteaux, visiblement. Mais lui, il a plutôt envie de retourner à la cour du roi, donc elle lui donne le frein, qui est pendu là, un clou d'argent, et il prend le frein, le vilain amène la mule, il la harnache, et il prend congé de la demoiselle et celle-ci donne l'ordre du coup de le faire laisser sortir Gauvin. Et sur le chemin du retour, là il voit par contre qu'il y a des gens dans les rues maintenant. Les gens en fait ont été semble-t-il libérés. C'est suggéré qu'il y a une malédiction sur le château, c'est enfin c'est Carole ou une de ces Alors la raison qui est donnée, parce que Gauvin se retourne et crie au vilain c'est pourquoi qu'il y a des gens maintenant, et le vilain lui dit ce qui est marrant, si on imagine que c'est pas extrêmement clair quelle est la partie tournoyante ou pas du château, donc est-ce qu'il est encore dans la partie qui tourne avec le reste, ou bien est-ce qu'il y a le vilain qui est juste en train de lui crier en tournoyant depuis le seuil, ce qui à mon avis n'est pas le cas vu la géographie du truc. Mais il lui dit en fait que les bêtes que Gauvin a tuées saccageaient la campagne, donc les serpents et les lions étaient pas seulement sous cage prêts à être libérés par le vilain, mais apparemment c'est eux qui tuaient les gens. Et donc de nouveau Gauvin repasse par le pont qui est semblable au gros pot de l'épée, hein, c'est la rivière avec la planche de fer qui passe sans encombre. Il retraverse de nouveau la forêt où les bêtes sauvages lui embrassent les pieds. Donc il y a peut-être un espèce de parallèle entre les deux demoiselles, entre la dame et la demoiselle, la dame du château et ses bêtes sauvages que Gauvin a tué, et la dame de la demoiselle de la mule qui a ses bêtes sauvages dans la forêt. Donc il y a peut-être une opposition forêt-ville, forêt-château en tout cas, qui est quelque chose d'assez récurrent dans les. Des bêtes qui épargnent les gens qui passent avec la mule par respect pour la mule, et puis des bêtes qui saccagent tout. Pour la mule ou la demoiselle, peut-être que c'est aussi justement parce que les deux demoiselles ont le même pouvoir sur les bêtes. Justement. Voilà. C'est clairement de la mythologie minoenne, de la maîtresse des bêtes, telle qu'on le voit sur ce vase, qui date de moins 1852. Toujours est-il que, de retour, les bêtes là lui embrassent les pieds, hein, donc elles sont encore plus respectueuses qu'au premier passage. Donc il y a vraiment ce lien, visiblement, il a accompli la prophétie où il a servi la dame et du coup. Il a libéré le château. Il a libéré le château et la demoiselle de la mule, justement. Donc il arrive à Cardway où il retrouve tout le monde. Il descend de la mule en passant par les tris. Donc elle est harnachée d'argent, la mule. Elle a un harnachement particulièrement riche. Elle n'est pas simplement, c'est pas simplement un bête harnais de cuir et de fer. Et la demoiselle lui remercie. Elle lui dit que il mérite toutes, disons, ses récompenses, parce qu'elle aurait pu envoyer des centaines de chats de chevaliers, ils seraient tous morts. Et d'ailleurs, elle l'a fait. Hein, les chevaliers qu'on a vus avec leur tête plantée autour du château, c'était ceux qu'elle avait bien trouvés pour envoyer à chercher son frein. Donc, il raconte à la demoiselle les aventures qu'il a eues sur son chemin, que ce soit les bêtes dans la forêt, l'eau profonde, la planche de fer, le château tournoyant, et les bêtes qu'il a dû tuer, le vilain, le nain et la dame. Et effectivement, elle l'embrasse, elle le couvre de baisers. Enfin, finalement, elle demande congé, après le récit, au baron de la cour. Et la reine Guenièvre lui demande, avec le roi et les autres chevaliers, de rester parmi eux et d'aimer un des chevaliers de la table ronde. Et là, elle dit littéralement, hein, « Sire, dit-elle, que m'anéantisse le Seigneur Dieu s'il n'est vrai que juste grand plaisir à rester, si jamais je l'osais, mais je ne le puis à aucun prix. » Elle prend sa mule, elle monte par l'étrier. Le roi l'accompagne, mais elle dit, sans vouloir l'y fâcher, qu'elle aimerait avoir une escorte, même s'il est assez tard. Et elle prit congé, se sépare d'eux, à l'amble se remet en route. De la demoiselle à la mule, qui toute seule s'en est allée, l'aventure prend fin ici. Ouais. Donc vraiment, c'est ce côté vraiment très presque frustrant, en fait, parce qu'elle, sans expliquer vraiment grand-chose sur ce qui s'est passé, alors qu'on l'a pris de rester, elle dit, non, j'y vais, toute seule. Et elle se barre. Surtout qu'elle a promis au départ qu'elle aimerait d'amour le chevalier qui libérerait. Elle lui a promis le château auquel la mule le conduirait, donc elle lui a pas promis un autre château. Bon, après, c'est vrai qu'une fois que Gauvin, on lui a offert le château formellement, il a dit non. Hein. Il a dit non, donc ça, c'est logique. Mais elle avait quand même dit je serai d'amour et je ferai tout ce qu'il veut pour lui, puis elle lui donne son baiser. Puis après, en fait, on n'a pas l'air de demander à Gauvin si, ce qu'il voulait. Il a l'air, en fait, dès qu'il a ramené la mule, il sort un peu de l'histoire, ses désirs sortent un peu de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu dans ces deux histoires de Gauvin un peu frustré dans ses entreprises amoureuses où il commence, il finit un peu le bec dans l'eau quand même, hein, ouais. il commence une aventure ou une entreprise amoureuse, puis à chaque fois ça se conclut pas, peut-être pour des raisons purement narratives ou simplement on va pas forcément raconter comment Gauvin s'est marié et n'a plus jamais eu d'aventure amoureuse, parce que si son rôle c'est d'être un séducteur. On le verra quand ça arrive, en général on fait mourir la femme de Gauvin assez vite, malheureusement. mais ça c'est plutôt dans des récits anglais plus tardifs. Non, il y a vraiment ce côté, je trouve, un peu mystérieux dans ce qui a peut-être plus là encore qu'il y avait dans le Chevalier à l'épée. Ouais. Mais on va effectivement en parler un peu des deux, peut-être juste brièvement sur la demoiselle à la mule, encore deux, trois petites phrases. Vraiment ce côté de l'opposition des deux demoiselles, je pense, qui est intéressant là, entre celle qui tient le château et celle qui envoie Gauvin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de récits. C'est un peu ce qu'on avait dans la continuation de Perceval, et donc dans le Perceval en prose, où il y a ces deux dames qui se balancent des fions, la quête du Blanc-Serre. Ouais. Basiquement, Perceval doit choper la tête du Blanc-Serre, puis elle se fait voler par une dame qui est la sœur de la dame qui lui a envoyé faire ça, qui lui dit « c'est juste ma sœur, on aime bien se chamailler ». Et puis là, il y a un peu la même chose entre la dame du château qui est la sœur de celle qui lui a envoyé la mule, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un côté un peu... Voilà, rivalité d'entre sœurs. Rivalité, il y a un côté un peu féerique pour cette dame aussi qui a une monture particulièrement... Les deux, il y a la monture magique, il y a le côté un peu mystérieux, elle repart toute seule, elle arrive toute seule. Moi, ça m'a presque rappelé aussi tout début, mais vraiment pas le côté magique, mais le début du Père Lesvos où t'as les demoiselles un peu étranges. Enfin, oui. Aussi dans Perceval, d'ailleurs. Enfin, dans les récits de Perceval, en général, c'est demoiselles laides qui arrivent. Là, en l'occurrence, elle est très belle, mais il y a ce schéma narratif un peu similaire. La demoiselle un peu étrange qui arrive sur une monture et puis qui envoie les chevaliers dans une aventure. Donc, ça, c'est aussi assez classique. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on revienne pour un peu finir de parler des deux œuvres et de ce qu'on peut dire sur leur héritage aussi quelque part. On vient peut-être un peu vous parler justement des motifs communs. Je pense que vous avez remarqué, si vous avez encore Chrétien de Troyes en tête, mais on a énormément de motifs, ben surtout dans la Mule sans frein, la Demoiselle à la Mule, qui clairement viennent de chrétiens. Je veux dire, la petite planche de fer qui passe sur un cours d'eau, ben c'est le pont de l'épée qu'on avait eu dans le Chevalier de la Charrette, sauf que là, on le passe avec un cheval plutôt que de le passer en se taillant dans les mains dessus. Il y avait la notion de passer, disons, un courant magique qui se retrouve ailleurs aussi. Hein, qui se retrouve ailleurs, mais par une miniature, j'entends. Un tout petit bout de fer qui vous mène dessus. Vous avez le château tournoyant, on l'a pas trop vu avant, mais c'est un type de chose qu'on retrouvera peut-être par la suite sur des châteaux qui ont des espèces de propriétés un peu bizarres où on n'arrive pas à monter dessus, où on n'arrive pas. Il y a un petit passage où on a l'impression qu'on peut sauter pour atteindre le château, mais en fait non. C'est une espèce de délimitation. Si on veut aller très profondeur, c'est un indice que le château est dans l'autre monde. Le monde des morts et qu'on passe à une frontière, mais enfin, il y a cette notion de délimitation magique, en fait. Il y a le jeu de décapitation, ah, tu me décapites, puis après je te décapite, qu'on avait déjà vu dans la première continuation, le père Lesvos, puis comme je l'ai dit, qu'on trouve dans une histoire vieille irlandaise, où on a le même motif, justement, où la personne demande explicitement, comme ici à Gauvin, allonge ton cou sur le bio, et puis il dit, je peux pas l'étendre plus que ça, donc l'idée de se mettre complètement vulnérable par rapport à cette épreuve. Le combat contre des lions, bon ça devient assez évident, mais contre des lions ou des dragons, ben là c'est des serpents qui crachent du feu, assez évident, qu'on a vu beaucoup dans le Lancelot en prose par exemple, mais qu'on avait vu aussi dans le Yvain ou le Chevalier au Lion, ben là il s'agissait de sauver un lion qui se battait contre un serpent, mais c'est quelque chose qui est assez commun. Il y a aussi la notion de le jeu de séduction, qu'on trouve moins souvent, qui est plus présent pour le coup dans le Lancelot Graal. Moi ça m'a fait penser à l'épisode de la quest où Perceval... est au lit avec une jeune fille, en fait c'est Satan qui est déguisé en jeune fille, et puis il se... Tu dis pour le chevalier à l'épée, donc... Pour le chevalier à l'épée, pardon. Le jeu de séduction, ouais. Ouais, et dans la quête d'El Saint Graal, le diable essaie de tenter Perceval en se déguisant justement en une jeune fille qui se couche avec Perceval, et en fait Perceval est rappelé à l'ordre en voyant la croix sur son épée. Et puis il fait le signe de croix. Et c'est aussi l'épée, en fait, qui le sépare d'une façon ou d'une autre. On peut peut-être y voir aussi un lien avec le mythe de Tristan où c'est l'épée de Marc entre les deux amants qui leur fait comprendre qu'il les a vus. C'est un des trois objets que la littérature médiévale connaissait. L'épée séparée. Entre... Il y a deux chevals, des épées, des freins. Et puis plus tu mets de cheval et plus tu mets d'épée, plus c'est chevaleresque. Non, mais il y a de ça, il y a ces motifs un peu récurrents. Voilà. Le jeu de séduction, par contre, est particulièrement intéressant là parce que c'est vraiment très très pervers et c'est... pas tellement des protagonistes fantastiques à part l'épée magique, c'est pas vraiment, il y a moins ce côté un peu surréel, c'est vraiment la perversion du père un peu étrange. Ouais, c'est comme on a dit, c'est assez facile de se mettre à psychanalyser ça en des termes un peu freudiens où le père il est là, s'il vous plaît couchez avec ma fille puis après je vous tue. Mais je pense que ça remarque aussi une tendance qu'on a eue dans le conte du Graal et qu'on a déjà évoqué, c'est que Gauvin est placé, dans le conte du Graal on avait cette opposition entre Gauvin et Perceval fait des fautes parce qu'il ne comprend pas l'esprit des commandements courtois. Donc il suit des commandements courtois à la lettre, et donc sa mère lui dit si jamais une dame vous donne son anneau, n'hésitez pas. Donc elle lui dit pensez à vous marier. Lui, il voit une dame, il lui arrache son anneau, il lui arrache un baiser, c'est une agression sexuelle, c'est pas terrible. On lui dit posez pas trop de questions stupides, et il se met à pas poser de questions à un moment où ce serait plutôt pertinent de poser une question. Donc Perceval, c'est celui qui, à la base, fait les choses littéralement, puis ça cause des problèmes parce qu'il ne comprend pas la raison derrière. Gauvin, à l'inverse, dans le conte du Graal, c'est un personnage qui se retrouve dans des situations où c'est très difficile d'être courtois. Donc il se retrouve avec une dame qui se met à l'insulter, il est accueilli par un de ses ennemis mortels, genre la famille d'Escavalon, où il a apparemment tué l'ancien seigneur, mais il l'accueille sans savoir que c'est lui, puis d'un seul coup il se retrouve avec une révolte, puis donc c'est un peu ambigu, parce que d'un côté il y a le devoir d'hospitalité, mais de l'autre côté effectivement il ne devrait pas être là. Puis Gauvin lui, il comprend tout à fait l'esprit des choses, mais c'est vraiment la situation inverse, alors que Perceval se serait mieux débrouillé peut-être dans les situations de Gauvin, parce que il aurait interprété les trucs littéralement, puis ça lui serait... Il aurait eu moins de problèmes finalement, paradoxalement. Voilà. Là, Gauvin, parce qu'il respecte l'esprit du commandement, il est courtois par rapport à son hôte, tout en il est courtois avec certaines limites quand même, parce que là il y a aussi la notion dans le chevalier à l'épée qu'il doit obéir à toutes les instructions de l'hôte, parce que sinon il risque de se faire tuer. Ouais, donc il a cette contradiction là entre l'esprit chevaleresque qui dirait ouais, faut peut-être pas coucher avec cette fille justement, mais c'est un fardeau de contradiction finalement, surtout dans le chevalier à la mule. n'y a rien vraiment de contradiction. Donc, en fait, c'est plutôt le parcours magique qui est intéressant comme motif. Là, c'est vraiment une distillation des parcours magiques chez Chrétien. C'est vraiment ça. Tu as l'impression qu'il a voulu accumuler tous les stéréotypes des épreuves magiques. Il y a le pont de l'épée, la mule qui te dirige sans la bride pour la diriger. Il y a le fait que ce soit des jeux de décapitation. Il y a les têtes découpées des chevaliers qui ont échoué. T'as trois épreuves différentes entre les lions, les serpents et puis le chevalier. Et à la fin, tu manges un repas, puis tu ramènes ta bride, puis elle part sans demander son reste. Donc c'est vraiment une distillation de ces épisodes-là. Alors que du côté du chevalier à l'épée, on est plutôt dans ces espèces de jeux courtois un peu bizarres. Ouais. Et là, c'est vraiment les contradictions entre est-ce que je dois coucher avec cette fille, mais c'est pas très respectueux pour son père. Est-ce que je dois coucher avec cette fille ou risquer de me faire tuer par cette lame? Est-ce que je dois coucher avec cette fille ou risquer de justement avoir l'opprobre des gens qui s'ils apprennent ça? Et l'intersection en fait de contradictions tout à fait différentes entre les grandes impératrices chevaleresques, les instructions du père qu'il est censé obéir et la matérialité du fait que Puis aussi le fait que Gauvin est clairement présenté dans ce schéma-là comme un espèce de macho pas très malin qui se dit « Oh, il faut que je fasse ces trucs. » Oui, mais c'est positif. C'est ça la différence. Et où il est aussi assez impulsif. Genre, il admet que je peux pas résister à la nudité de la fille. On dit qu'en français, il y a peut-être une mauvaise considération pour Gauvin. Je pense que c'est plus vrai ultérieurement, par opposition avec Lancelot. Là, on est encore dans une dimension très premier degré sur Gauvin. Le meilleur chevalier, mais il est aussi un peu du coup... c'est moins subtil que chez Chrétien, je pense qu'on peut le dire, ça c'est assez net. C'est peut-être aussi, c'est plus parodique et plus ouvertement, ça joue avec Chrétien, mais de façon moins subtile. Et la caractérisation du coup de Gauvin est peut-être un peu moins subtile, parce que surtout dans le chevalier dans la demoiselle à la mule, il n'y a pas beaucoup de caractérisation, à part qu'il est gentil et courtois. Mais dans le chevalier à l'épée, c'est peut-être un peu plus justement brut de décoffrage, disons, que chez. Que chez Chrétien, où il est tout à fait courtois, même avec la demoiselle qui passe son temps à l'insulter. Je sais pas trop, c'est assez... On a voulu y voir, en fait, peut-être la naissance... Pour les Anglais, c'est très attirant, parce que, bah, du coup, vous l'avez peut-être remarqué, ces deux récits, et je vous l'ai dit, partagent un grand nombre d'éléments avec Gauvin le Chevalier Vert, et notamment... D.D.R. Owen, justement, dans son édition avec Johnston, utilise donc les éléments, puis il dit « Ah voilà, regardez, je vais vous faire un résumé de Gauvin le Chevalier Vert, puis je vais vous donner, pour chaque élément dans Gauvin le Chevalier Vert, la correspondance dans celle-ci. » Alors, il y a le fait, typiquement, le fait que Gauvin est, avec les chevaliers d'Arthur, à un banquet, à la Pentecôte, avec tout le monde rassemblé. Waouh, c'est une... Alors qu'en fait, c'est aussi le cas, par exemple, au début de la... C'est quasi chez Chrétien. C'est aussi le cas dans la quête du Graal. Ça me semble assez absurde. Par contre, effectivement, il y a des éléments en commun, le jeu de décapitation, mais un des grands arguments, justement, pour eux, c'est de dire, voilà, Gauvin, l'auteur de Gauvin le Chevalier Vert, détenait une connaissance assez particulière de ces deux sources et les a utilisées. Puis il se pose la question. Alors la question c'est, est-ce que il y a une source commune ils ont une source commune avec ces deux sources, l'auteur le poète de Gauvin le Chevalier Vert, ou alors est-ce qu'il a repris une source qui a déjà fusionné ces deux-là, ou alors est-ce qu'il connaissait ces deux-là, les fusionnait lui-même avec d'autres sources. Et alors même si l'argument sur lequel Owen finit, c'est de dire ouais, en fait c'est quand même un peu un génie, le poète de Gauvin le Chevalier Vert, il a su marier ces choses-là admirablement pour dépeindre une peinture assez différente et unique de Gauvin. Mais il y a quand même l'idée derrière que le Gauvin, c'est toujours cette idée qu'il faut absolument retrouver chaque virgule dans le texte de médiéval doit être attribué à une autre source avant lui. On nous dit c'est inconcevable, effectivement. Alors effectivement, c'est pas très concevable qu'il ait inventé tout purement et simplement, mais c'est clair que l'élément de décapitation, par exemple, il le connaissait d'avant. Mais typiquement, essayer de voir dans le jeu sexuel du chevalier à l'épée l'exact équivalent de l'échange de cadeaux dans Gauvin le Chevalier Vert, ça me semble assez dangereux. Il y a une logique qui est très différente en tout cas, mais je pense que c'est compréhensible qu'on fasse ça, parce que ces textes, on l'a dit, sont conservés dans un seul manuscrit, si on exclut une copie tardive qui dépend de ce manuscrit. Et Gauvin et le Chevalier Vert, c'est pareil. C'est ce texte, on est là, c'est un texte génial. Voilà, il y a hier, je crois, la British Library a encore posté ce texte, ce chef-d'œuvre de la littérature médiévale anglaise contenu dans un seul manuscrit. Ils en ont pas beaucoup en fait, de chefs-d'œuvre. Mais c'est ça, c'est un texte, on l'a en un seul exemplaire, c'est un texte vraiment unique. C'est ça qui m'a incité à douter l'idée qu'il y a une parenté entre ces deux romances de Gauvin et Gauvin le Chevalier Vert, justement. Donc est-ce que cet auteur qui avait fait un manuscrit unique connaissait ce texte dont on n'a plus qu'un seul manuscrit? Ouais, c'est possible, c'est très possible, mais... Mais je pense que c'est une tendance dans laquelle on sait vraiment. L'édition date des années 70, de 72. Ouais. Donc je pense que c'est aussi peut-être plus caractéristique de cette époque où on avait tendance à voir toutes les œuvres qu'on avait comme nécessairement liées entre elles. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on comprend plus facilement l'ampleur de ce qui nous manque et la notion que bah, voilà, ces deux courts récits ne circulaient peut-être pas avec la même ampleur que ceux de Chrétien et que du coup, ouais, c'est fort possible qu'en fait, il n'ait pas servi de source pour Gauvin le Chevalier Vert. Et même Chrétien, on vous a parlé un peu des manuscrits, ce qui nous restait. Ouais, on est tenté de voir dans ce qu'on a les ancêtres de ce qu'on a aussi, même si c'est très probable qu'il y ait beaucoup de sources entre les deux, beaucoup de différences entre les deux. Donc je pense que c'est pour ça que les idées d'Owen ne sont pas spécialement, très, très utiles aujourd'hui. Je pense par contre qu'il est relativement... là où il a une idée qui est relativement bonne dans l'esprit, c'est qu'il voit dans les deux poèmes de français, donc ces deux récits-là, des tentatives de dépeindre Gauvin comme un peu plus... des tentatives presque un peu maladroites d'autonomiser Gauvin et d'en faire des récits sur lui. C'est la naissance d'une tradition de Gauvin comme héroïque et comme qui a des succès, mais un peu victime malheureusement, dont par exemple son échec, on peut le dire, à la fin du Chevalier à l'épée, et que en fait ils sont très premier degré par rapport à ça. Il échoue, mais c'est pas sa faute. Alors que Gauvin le Chevalier Vert a une plus grande réflexion sur Gauvin, c'est plus positif sur Gauvin. Mais c'est aussi positif parce que Gauvin est conscient de son échec, alors que dans ces récits-là, c'est « Ah, le pauvre Gauvin, bah, il fait cette aventure pour cette jeune dame qui se barre après avec sa mule et son frein. » Ou alors « Ah, bah, il fait tout ce qu'il faut bien proprement dans le chevalier à l'épée, et puis après, elle le quitte parce que ah, là, là, les femmes sont aussi sont beaucoup plus infidèles que les chiens. » Et puis elle va qu'avec des méchants garçons, alors que moi, je suis un gentil chevalier. Alors que du coup, le discours de... Pour dire exactement ça, le discours de Gauvin le chevalier vert, c'est plus bah, « Gauvin a aussi des traits négatifs, et s'il échoue à la fin du Gauvin le chevalier vert, Gauvin est célébré par la cour, alors que lui-même est triste et un peu étendu. Il est aussi misogyne dedans, et le récit est aussi misogyne, mais il a une conscience plus propre du fait qu'en fait il a échoué, ce qui n'est pas le cas, ce que comprennent pas les autres en fait. Je pense que le chevalier à l'épée est un peu moins cohérent parce qu'un des traits qui est commun entre ces deux histoires, c'est que c'est Gauvin qui va dans un château donné, qui a une espèce de malédiction, qui va mettre fin à la malédiction ou à la mauvaise coutume, généralement on dit, et il va être récompensé, on va lui offrir des châteaux, une seigneurie, et il va refuser. Et dans les deux cas, on a déjà cette idée de Gauvin, justement la demoiselle à la mule, sa sœur lui propose 38 châteaux, il refuse parce qu'il est venu dans un but bien précis et qu'il ne veut pas prendre son intérêt personnel. Et je dirais qu'à ce titre, la demoiselle à la mule est plus cohérente. C'est cohérent que la demoiselle à la mule se barre parce que Gauvin est cette figure qui a fait ça de manière désintéressée, contrairement à Queux, par exemple, qui lui avait vraiment cette idée plus libidineuse, etc. Parce que Gauvin le fait, disons, gratuitement. Tandis que le chevalier à l'épée se marche un peu sur les doigts parce que bah, d'un côté, il veut que Gauvin soit désintéressé, mais de l'autre côté, quand même, les femmes, hein, on sait à quoi s'attendre. Il veut tellement... Le message misogyne est tellement important dans celui-là que vous avez moins cette cohérence-là, mais vous avez la même structure où Gauvin va quelque part, abolit une mauvaise coutume, quelque chose qu'on a déjà vu très courant dans la littérature arthurienne. On avait vu justement... Je crois que je sais plus si c'est Martin Aurel, mais on avait parlé de quelqu'un qui commentait sur l'épisode de la Carole qui est enchantée à laquelle Lancelot met fin, et il disait généralement le chevalier dans les littératures arthuriennes, c'est généralement littéralement un empêcheur de tourner en rond. Donc il arrive, il abolit une coutume qui est malfaisante à un endroit donné, puis repart. Et là, on a clairement une représentation de ce que ça donne quand c'est pas dans un texte cyclique hyper long, c'est juste une aventure d'un chevalier comme chez Chrétien. Je pense que c'est peut-être aussi là qu'on peut voir la distinction entre le Gauvin. C'est quand même la même, pour moi, c'est quand même l'issue d'une tradition de Gauvin qui va après donner naissance au Gauvin anglais, qui est assez connu, disons, avec ses textes du 14e, 15e siècle, qui se distingue ici de la tradition à la fois de Chrétien, qui fait des portraits un peu subtils, mais pas toujours très positifs de Gauvin, typiquement dans le Yvain. Où Gauvin est un peu plus positif, je pense, dans le conte du Graal, qui est un peu sa réhabilitation. Mais le Yvain, par exemple, Gauvin n'est pas un personnage très, très, très positif, essentiellement. C'est le tentateur qui va abandonner sa femme. C'est le bro. Un peu c'est ça. Mais Gauvin est un personnage ambigu, disons, dans les premiers temps, et après, il va finir par devenir complètement opposé à Lancelot, et donc nécessairement un peu ce personnage qu'on a vu dans les derniers récits du cycle du Lancelot Graal, où il est un peu le foil de Lancelot, il est un peu brutal, un peu moins, même s'il est toujours adoré des dames, et il est toujours très coureur, il n'a pas la noblesse, il représente une chevalerie inférieure et antérieure à celle de Lancelot. Là, par contre, en isolation, dans ces petits récits de Gauvin, on voit la naissance d'une tradition peut-être plus, disons, premier degré sur Gauvin, Et je pense qu'au lieu de voir la tradition, c'est de voir que ah bah, pour les Anglais, c'est Gauvin qui reste le chevalier, disons, insulaire, celte à la base, donc qu'on peut confondre après avec, la culture anglaise par opposition au Lancelot français. Et on a voulu voir, disons, une perpétuation chez les Anglais de ce Gauvin un peu plus positif, alors que les Français passaient à Lancelot. Je pense que ce n'est pas nécessairement entièrement le cas, mais je pense qu'il y a une naissance peut-être d'une tradition plus simple, si on veut, de Gauvin, comme c'est là aussi pour ça que Gauvin, on bâtit pas des cycles immenses sur lui. C'est un personnage qui se prête bien à des aventures comme celle-ci, parce qu'il est plus archétypal que Lancelot. Il peut exister en dehors de son cycle, et ça mène justement au Gauvin. On en parlera peut-être plus en détail quand on parlera de Gauvin le Chevalier Vert, mais à ce commentaire sur Gauvin et ses valeurs qu'on retrouve dans quelque chose comme Gauvin le Chevalier Vert ou encore dans le mariage de Sire Gauvin et de Dame Ragnell, qui sont des commentaires un peu plus, disons, rigolos, ou pas forcément rigolos, mais qui sont, dans le cas de Dame Ragnell, mais qui sont un peu des commentaires sur Gauvin et sa personne et ses valeurs, qui sont plus intéressants, je pense, que ces textes français très premier degré qui suivent, même s'ils sont aussi... le truc, c'est qu'on est un peu embêté par le côté un peu misogyne du chevalier à l'épée. Peut-être qu'on n'est pas censé être du côté de Gauvin aussi. Mais je pense que c'est plus difficile d'avoir ça. Alors que je pense que le narrateur intervient directement pour nous dire ce qu'il faut penser. C'est ça. Donc, je pense qu'on est on a un développement plus tardif avec Gauvin le chevalier vert qu'avec le chevalier à l'épée. Mais enfin, tout ça sera pour des prochaines fois, en tout cas. On aura l'occasion de reparler de ces aventures individuelles où Gauvin joue la part belle. Généralement, il partage parfois la vedette avec un autre, tu vois, dans L'Âtre Périlleux, Imbaut, je crois, Mérogis de Port-Léguet, je ne suis plus sûr. Mais en tout cas, plusieurs textes, Gliglois, tout le cycle du Bel Inconnu, ce qui se rattache au Bel Inconnu. On a plein d'aventures de... Et c'est intéressant parce que c'est une tradition qui est moins présente, je pense, dans notre esprit que le Lancelot Graal, parce que le Lancelot Graal a été canonisé dans ses grands récits. Alors que là, c'est une tradition qui est aussi importante et qui est aussi très populaire, qui est aussi issue de chrétiens, ça je pense qu'on peut le dire assez nettement, mais qui va avoir une destinée différente, qui va se rester limitée dans des plus petits ouvrages, mais qui est tout aussi finalement, qui est une voie différente. Mais c'est... Puis, généralement, c'est celle que vous connaissez peut-être aussi bien si vous faites des études de littérature médiévale. On a tendance à pas mal, j'ai l'impression, lire ce genre de texte. On lit plus volontiers ça que le Lancelot Graal, en fait. Lancelot Graal, juste à cause de la taille, et puis que c'est plus facile aussi, quand on étudie, d'étudier. Là, comme on vous a dit, à lire, c'est une vingtaine de folios, c'est 16 ou 17 pages, suivant celui que vous choisissez. Si vous lisez en traduction, c'est l'histoire c'est ça de la crème, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des œuvres qui sont présentes, je pense, dans le monde académique et qui sont très commentées et qui ont beaucoup de succès, surtout en Angleterre, par exemple. Mais paradoxalement, dans la vision arthurienne commune, ces deux aventures, je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup d'éléments. Le combat contre les dragons, il y a des éléments qui ont été. Oui, mais ça, c'est des éléments très génériques. Mais des trucs spécifiques de ce qui sont issus de ces poèmes, la présence de ces poèmes dans la culture populaire, je pense qu'elle est quasi nulle. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu du point de vue du mythe arthurien. Je pense qu'on peut dire encore une fois que même si on est venu assez tardivement à chrétien dans notre récit, c'est peut-être un peu la pierre de touche finalement. Geoffrey et les chroniques sont aussi très très présents et sont revenus après à partir du Lancelot Graal, mais à partir du moment où chrétien disons concentre ses récits dans ses cinq romans, c'est lui qui va devenir un peu la fontaine à partir de laquelle vont couler les rivières, la source d'où vont couler les rivières de la matière de Bretagne. Telle la fontaine où que a pu venir s'abreuver brièvement, qui d'ailleurs fait penser en fait à la fontaine de chez Yvain. On a ça aussi, cette fontaine un peu magique dans la forêt. Comme les pics chez Eric. Ouais, c'est vrai. C'est un remix de Chrétien et qui montre un peu son l'héritage de Chrétien d'une autre manière, ailleurs que le mystère du Graal ou que ces grands cycles qui vont essayer de tout amalgamer, des aventures individuelles qui garde cette espèce d'exploit chevaleresque plus contenu peut-être qu'une grande fresque qui vous raconte l'histoire du monde entier, quoi. Toujours est-il que la prochaine fois on va continuer dans les héritiers de Chrétien, mais en revenant plus près du Graal, puisqu'on va s'intéresser au Parsifal de Wolfram von Eschenbach. On passe du français qui nous occupait à côté du latin et du gallois pour l'instant, pour la première fois, et un peu de l'anglais. On a fait un peu d'anglais avec Lachmann, mais là on va vraiment passer à une langue qu'on n'a pas vraiment touchée jusque là, c'est l'allemand. Et qui a aussi connu sa tradition arthurienne. Et une œuvre qui était extrêmement populaire, c'est l'œuvre du Moyen-Âge allemand qui a eu le plus de manuscrits survivants. C'est l'œuvre la plus copiée au Moyen-Âge allemand. Alors c'est une adaptation de Chrétien, qui n'est pas exactement... Il y a beaucoup d'éléments de Chrétien qui vont se retrouver, mais une adaptation qui a clairement eu énormément de succès en son temps, puis qui a eu des reprises un peu plus tardives avec Wagner, même si Wagner en a un peu fait ce qu'il voulait. qui est du coup pas si bien connue que ça, mais on va essayer de vous en parler parce qu'elle fait aussi un peu la part belle aux Templiers. Et alors qu'elle est faite entre deux croisades, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. D'ici là, on vous retrouve donc du coup mi-décembre, un peu avant Noël, pour vous parler de Parsifal. On espère que vous allez, vous finirez cette saison avec nous, en tout cas, en bonne harmonie. Et on vous dit à la prochaine fois. La quête continue.